works a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild snap, worked fell. Here's another shot, right by the shore! Et c'est capté! Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts! Touché pour la rougeur! The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the band is out on the field! He's gonna go into the end zone! He's going into the end zone! The band have won! Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie après une semaine d'absence pour cause d'absentéisme écolier, c'est-à-dire la relâche scolaire. On est retourné dans notre coin pour la plupart, pour d'autres, bon, il fallait être quand même ici pour travaux d'équipe. À ma gauche, Pierre-Luc Giroux, micro 2, ça va bien Pierre-Luc? Ça va bien toi? Bien sûr, en face de moi, au micro 5, Sébastien Proulx. Salut, puis je suis en pleine forme aujourd'hui. T'as de l'air avec ton de voix débordant de joie, de capacité vocale. Et au téléphone, Monsieur Grenier, JP. Salut, les gars. Ça va bien, coach? Ça va bien, vous autres? Bien sûr, bien sûr. Écoute, JP, on commence tout de suite avec toi. C'est rare que t'es le premier sur notre liste de travail. Parce qu'on a quand même une grosse émission, là, je te dirais, là. Hockey junior, puis à Luc, il y a gros du stock. C'est sûr que pendant deux semaines, on n'était pas là. Fait que ça paraît. Il y a plus, de contenu. Sébastien, toi, t'as quand même MMA qui a eu bon du stock. Sim, puis Caron et Gay. Caron et Gay, quand même gros des choses. Patriote aussi. Bon, mais hockey, c'est passé. Il y avait des matchs en fin de semaine, donc on va parler de ça. Je toucherai pas à ceux de la semaine d'avant. Vous aviez juste à lire les journaux. Et aussi, écoute, pas Pierre-Luc, JP. Baseball, c'est la série mondiale présentement. Quelle partie, quelle série? Phillies, Yankees, le bâton de Chase Utley se fait entendre à travers Philadelphie comme c'est pas possible présentement. Ben c'est ça, là. Il vient d'égaler le record pour le nombre de circuits dans la série mondiale. Qui appartenait à? C'était pas Reggie Jackson des Yankees. Ben écoute, il y a les deux balles de son match de trois circuits, lui, savais-tu? Il en manque une. Il en manque une, oui. Il en manque une. C'est le gars qui l'a... Je sais pas, mais... Pour ceux qui ont vu le film Basketball, vous comprendrez notre analogie. Ah non, mais c'est bonne série, pareil. Là, on s'entend là, que vraiment, c'est sur une lancée présentement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui... OK, là, hier, les Phillies sont venus égaler ça au niveau... Pas égaler, excuse, mais remonter 3-2. Je pense qu'ils ont des chances de se rendre jusqu'à 4-3, aller chercher ça, ou les Yankees sont trop supérieurs, avec A-Rod qui joue probablement le meilleur baseball qu'il a joué de sa carrière? Non, c'est ça. Selon moi, les Yankees sont trop forts, là. Qu'il y a de monde qui les aime pas, là. Il faut se rendre à l'évidence que cette année, je pense que ça y est, là. Pas seulement à cause de leur masse salariale, mais le talent là, dont ils disposent. Je veux dire, quand ton huitième frappeur a 30 circuits dans la saison, ça va être difficile à... On parle de Nick Swisher, là, qui serait peut-être trois ou cinquième dans n'importe quelle autre équipe. Là, Surtout avec les Aces. Hein? Ouais, surtout avec les Aces. Dans le fond, il y a juste moins de pression à New York. Je pense qu'il peut montrer son vrai talent. Là. Puis même dans le champ, il aide vraiment les Yankees là, dans le champ droit. Et il fait une méchante bonne job pour les Yankees. Puis tu sais, ils ont tellement de profondeur. Là, ça paraît sur le terrain. Là, puis les gars sont tellement focus cette année. Pas qu'ils ont de la pression, mais cette année, on dirait, je sais pas, comme A-Rod, là, d'habitude, en série, tu le voyais, ben il oui. était stressé, puis tout, puis cette année, je pense que c'est ça, il a effacé ça, là, carrément. C'est Kate Hudson qui l'a calmé un peu. Ouais, Je sais qu'elle est là souvent au match. Ah, écoute, c'est sa petite copine. Donc, en tout cas, mais c'est bon. Fait que ça recommence, c'est mercredi soir que ça recommence? Ouais, à New York. Les deux prochains matchs sont au Yankee Stadium. Donc, ça va être dur pour les Phillies de gagner, là, à moins d'une surprise. Moi, je leur souhaite. J'aimerais bien que les Phillies gagnent, sauf que je me suis déjà mis à l'évidence que, selon moi, New York vont l'emporter. Ça va les lanceurs qu'ils ont, là. Je pense qu'ils reviennent avec Sabathia pour le prochain match, si je me trompe pas. Eh boy, ouais, là, c'est, la commande est grosse. Si ici, ici au Monticule, ça va être difficile. Il a juste perdu le premier, je pense, contre les Yankees. C'est lui qui avait perdu le premier match contre les Phillies. Ouais, okay. C'était avec les Phillies l'autre bord qui l'a enlevé. Ouais, puis, fait que c'était un duel. C'est-tu ça va être qui pour les Phillies? Ça devrait être, si je me trompe pas, va être pas Joe Blanton, ça va être le deuxième. Cole Hamels ou... Non. Ça va être d'après moi. Brett Myers? Non. Non plus. Ça va être. Et dans la troisième manche? J'ai un blanc, là, mais c'est le deuxième lanceur qui a parti de la Ryan pire, Mattson? Là. Ryan Mattson? Non, ça c'est un releveur. Kirk Reuter? On va tous les nommer. Kirk Schilling? Kirk Schilling? Mickey Morandini, lui, pas devenu lanceur non plus. Bon. Donc, trêve de plaisanterie. Ben, c'est bon, on va continuer à suivre ça. Donc, ça commence mercredi. C'est-tu le sixième match, si nécessaire? Est-ce qu'il est jeudi ou vendredi? Il est vendredi. Non, pardon, c'est jeudi. C'est tout le temps un après l'autre. Un après l'autre. Deux matchs, une pause. Deux matchs, une pause. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Hey, Pierre-Luc, c'était la fin de saison au football cette semaine. Le classement aussi était très serré. Vraiment, là, au niveau, le Rouge et Or, c'était assuré. Montréal est en série. Probablement pas avec l'affiche qu'il désirait avoir. 4-3. 4 victoires, 3 défaites. 2 victoires de fil contre Sherbrooke, Bishop. Ensuite, ça se compliquait. Tout le monde était 3-4, c'est-à-dire McGill, Sherbrooke, Concordia. Et, non, c'est ça. Je les ai tous nommés. Hein? Okay. Bishop, McGill, Concordia, Sherbrooke, c'est ça. Donc, parle-moi de ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Là? Les dés sont jetés, les livres sont fixés. Ben, c'est ça. Là, les dés sont fixés. Non, les dés sont lancés. Les dés sont lancés. Ouais. Fais pas un péronisme de toi. S'il vous plaît, Nicolas. Il est de bonne heure le matin, hein? T'es habitué de rentrer vers 10h, hein? Ben, c'est ça, là. Je prenais le matin, T'es-tu ben, c'est ça, grosse semaine du côté football, là. C'était vraiment des matchs déterminants, surtout si on parle du match Vaillard, Carabin, les Redmond, là. dans le fond, pas des grosses surprises, là. Ce qu'on en avait déjà parlé précédemment, là, pour peut-être qui allait faire les séries. Finalement, Nicolas, t'avais pas partout trompé, là. J'avais dit quoi, moi? T'avais dit, dans le fond, Rougeard qui était assuré, Carabin finissait deuxième. T'avais dit que peut-être les Redmond feraient les séries. Ben, moi, je pensais honnêtement que les Redmond allaient faire les séries. C'est Bishop qui m'ont... Non, mais il fallait qu'ils battent Laval dans le dernier match. Ouais, non, mais il y a deux semaines, je parle... Mm-hmm. Moi, je m'attendais tout simplement parce que Bishop l'emporte contre Montréal. Mais non, c'est une surprise. Donc, grosse surprise. Les Gators qui saillissent au troisième rang... Finalement, les Stingers, là, comme prévu, ont eu tellement un mauvais début de saison, puis ça s'est repris contre des équipes moins fortes. Et finalement, comme t'avais dit, le Vaillard qui rate les séries, là, malgré... Hey, dernier, le Vaillard, là. Ça va mal, hein? Dernier. Ils ont des bons partisans. Ils ont des bons partisans, mais ouais. Décevant. Dans le fond, ils ont eu des grosses défaites contre McGill, puis Bishop, ça n'a pas aidé, là, c'est sûr. C'est sûr qu'on a eu une victoire contre Montréal, que ça a comme revivé la passion, mais... Ça n'a pas arrivé longtemps. Ils l'ont écouté, puis... Avez-vous la game? Ouais, moi, je l'ai vu la partie, puis tant qu'à moi, Montréal n'a pas grand-chose à... Pas excuse, Sherbrooke n'a pas grand-chose à se reprocher dans la défaite, encore une fois. C'est juste de la malchance, peut-être, en fin de match, là. 14-9, ouais, ben c'est Pascal Fils qui échappe le ballon. C'est ça. Bon, il était peut-être trop tard à ce moment-là. Il restait quoi, une minute environ? Oui. C'est sûr. Le Vaillard était sur une lancée, mais quand même... non, écoute, je pense que Sherbrooke a joué le match probablement qu'il se devait de jouer. Hey, ils ont failli battre Montréal deux fois là, dans l'année. Là. C'est pas rien. C'est pas rien. Hey, vous haïssez, là, toi qui es à Sherbrooke, là. Vous haïssez avec Montréal, là, c'est juste pas croyable. Là. C'est parce qu'à toutes les années, on leur brûle les cartes. C'est ça qui arrive. Ils ont un club qui joue mal. Ben là, c'est sûr que cette année, ils ont perdu contre les Gators aussi. Sauf qu'habituellement, ils ont un club qui perd à part, mettons, on le rouge et c'est contre nous autres. OK. Fait que à toutes les années, on vient casser leur party. C'est ça qui se passe. Là, Là ils ont cassé le vote, par exemple. Ouais, pas mal. Sauf que, tu sais, on s'entend que la différence de talent était là. Ouais, ben, Chouari t'es pas là non plus de votre côté. Autant qu'on a été critique parfois avec Chouari cette année, autant que qu'il a bien fait contre justement dans la première partie contre Montréal. Ça a paru. Saint-Martin n'est pas un mauvais carrière, mais n'est pas habitué de prendre les remises, pas les remises, mais les snaps, là. J'ai juste de toucher au ballon autant aussi souvent que Chouari dans une partie. Puis, ben, il y a Brouillette qui manquait à l'autre bord également, là. On peut pas mettre ça comme une excuse parce que, justement, à Montréal aussi, mais leur manquait leur corps arrière. Ouais, t'as un bon point, là, j'ai sauf pas pensé. Que là, c'est au Sapsum, là. Je veux dire, l'avantage terrain, il est important. Ouais, ben. Il est pas négligé, là. Puis, Sherbrooke sont. Je pense que c'est leur 9e défaite en 10 matchs sur la route, là. On peut pas. Tu peux pas enlever ça, là. Ils sont pas capables de gagner sa route. Fait qu'en gagnant pas sa route, c'est dur de faire les séries. Là. On voit à quel point la foule au stade Université de Sherbrooke est quand même puissante là, dans ce cas-là. C'est ça. C'est un manque de préparation. C'est sûr que le match de samedi était vraiment pas facile. Des conditions de jeu exécrables. La pluie, le vent. Il manquait tout pour pas avoir de neige. Donc, ça aurait pu finir n'importe quel bord. Ouais, ben. Bord comme de l'autre. Avec les conditions comme ça, les mains qui sont froides, le ballon qui est mouillé, ça s'échappe facilement. Il y a eu des revirements aussi là, dans la partie, là, justement, à cause de ça. Probablement que Pascal Fils, à la fin, ça n'a pas aidé non plus là, au niveau de son échappée, la température et tout ça. Là, la fatigue devait commencer à se faire sentir pas mal de son côté. Sauf que les unités spéciales, c'était comment, Nick? Je sais plus. Aide-moi là-dessus, je m'en souviens plus. OK, j'imagine, parce que là, avec le mauvais temps, j'imagine que ça devait être dur pour les botteurs. Là. Ouais, ben, le vent, tout ça, mais non, il me semble qu'il y a eu des bottés quand même. Face au vent, entre les deux poteaux, ça avait bien été, mais gars, tu m'en poses une ce matin, là, je pensais que tu aurais cette information-là. Je pensais que c'était une question-réponse que tu me faisais. Non, mais c'est parce que dans le fond, t'as vu le match. Là. Ouais, ben non, mais... J'étais à la radio, donc okay. J'ai pogné à la fin à la télé, okay, mais pour le reste, j'étais à la radio. Donc, sur la route, comme dirait Pierre Flynn. Donc c'est ça. À part de ça, dans les autres matchs? Sinon, il y avait le Rouge et Or qui ont écrasé. Ah ouais, fendu McGill. Sans surprise, McGill. C'est dommage pour eux. Ben, c'est dommage. Ils ont tellement eu une belle saison que ça aurait été le fun de finir en beauté, sauf que... Une saison, on se prenait pas contre n'importe qui non plus là, pour finir la saison. Non, mais c'est une saison, je pense, des résultats inattendus de la part de McGill. Félicitations à eux. Le programme est sur la bonne voie. C'est ça, ça augure juste bien pour les autres années. C'est une équipe jeune quand même aussi, là. Quand même, avec des vétérans qui sont quoi, à leur deuxième année là, ouais. Déjà. Là, donc, il leur reste en masse de football dans le corps. Sinon, Concordia contre Bishop. Ça a fini serré, à l'arraché. Ouais, quel match, hein? Quelques 2 points, 3 points, je crois, de différence? 40-38. Ouais. Puis ça s'est terminé, je pense, au dernier jeu du match, le Jesse Andrews, avec une course qui a été, qui a scellé l'issue du match, le gros match pour lui, qui couronne une très belle saison pour Andrews. Ouais, ben écoute, Bishop nous a habitués à sortir des carrières de l'ombre des inconnus qu'on n'a pas vu venir. On se rappelle de Kyle Williams aussi, qui malheureusement avait vu sa carrière écourtée pour commotion cérébrale. Mais lui aussi, Jesse Andrews, pas mauvais comme carrière, pas un mauvais bras. Belle lecture de jeu aussi. C'est ça, puis il y a les receveurs pour qui vont avec. Là. Ça va être intéressant de checker ça. Je sais que la perte de Jamal Lee n'a pas été facile pour eux. Leur dire qu'il allait finir troisième sans Jamal Lee cette année, je pense que ça aurait été... Je pense pas qu'il y aurait grand monde qui l'aurait cru à Lennoxville. Même battre passer devant les Stingers, une fiche de 500, c'est excellent. Oui, vraiment. Puis Stingers, eux autres, écoute, je pense qu'on peut dire que ça a été long à se mettre en branle, mais une fois que c'était branlé, ça se dit-tu? se mettre en branle. Oui, c'est ça. Donc, une fois que la machine a été démarrée, c'était parti. Ça se pourrait-tu juste que ce soit Rob McKay, le retour de Rob McKay comme carrière, que ça a pris du temps justement à entrer dans la vague, ou c'est une multitude de facteurs? Puis je pense que l'équipe s'est ressaisie. Là, c'est, dans le fond, McGrath, c'est un entraîneur d'expérience. Là. C'est sûr que ce gars-là n'a pas paniqué. Il a checké les choses, il a checké les matchs qui s'en venaient, il a dit aux gars, regardez, un jour ou l'autre, ça va venir. Puis là, regardez, ils sont en série, finissent quatrième, là, par la peau des fesses, mais regarde, ils sont quand même là, là. Ils ont fini avec 3 victoires, puis la défaite contre Bishop. Contre Bishop. C'était serré par 2 points. Ouais, ouais, dans le fond, là, la seule mauvaise nouvelle pour eux, c'est qu'ils pognent le Rouge et Or. Ouais, ben ça. Mais on ne sait jamais, tu sais, l'an passé, ça avait tellement fini serré que... En tout cas, une surprise peut arriver n'importe quand. C'est pas une série, c'est un match ultime. Puis je pense que ça va se finir aussi. Ça va être plus serré que le premier match de l'année, qui s'était fini quoi, 51-0, je crois. À peu près. Une fendaison en règle, là, vraiment. 51-0. Là. 51-0 qui avait été décapité, défait, guillotiné. Marie-Antoinette. Donc, non, j'ai bien hâte, les gars, de voir Carabin et Haters. Oui, oui. Ben. Je pense que c'est la seule place qui pourrait avoir peut-être une surprise en première ronde. Parce que Rouge et Or, ça va être fait walk in the park, tant qu'à moi, là, une marche dans le parc. Mais je pense pas. Je pense que les Carabins vont sortir fort. Ça va dépendre de Brouillette aussi, si Brouillette est là. Ben, c'est ça. T'as-tu des nouvelles sur Brouillette? Qu'est-ce qui arrive? Ou... C'est questionnable. En anglais, day to day. Là, day to day. Au jour le jour qui regarde ça. Je pense que ça, c'est une commotion, là. OK. C'est ça qui est arrivé. Fait que dans le fond, il faut faire bien attention avec ça. Là. Ils veulent pas le brûler, surtout qu'il revient l'an prochain. Là. Qui là, je te prends peut-être au dépourvu. C'était qui carrière à Montréal là, en fin de semaine? C'était-tu Rivet ou? Non, c'était l'autre. L'autre, OK. Le nom composé, là. OK. On va faire une petite recherche, je veux juste être sûr. Donc c'est ça. Tant que moi, ça pourrait être la seule surprise, mais je crois pas. C'est Nado Pius. Nado, OK, bon. Ouais. OK, parfait. Je me demandais, Rivet... Rivet qui avait un nom composé. Ouais. Rivet qui est un gars de la région Mascoutane, je pense, Belleuil, quelque chose comme ça. Là. Donc, okay. Alex Rivet, les deux frères, là même, Alex et Kevin Rivet, deux anciennes d'école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, pour être précis. Bon. Donc, j'ai plugué mon alma mater ce matin, ici même, à la conduite de partie, sauf c'est fou. Donc, hey, on y va avec nos prédictions. JP, vas-y donc, l'expert, là, comment tu vois ça? Montréal, Laval en finale. OK. Facile pour facile Montréal ou... Ouais, quand même facile. Ouais. On s'excite un peu avec les Gators, mais Montréal ont trop de profondeur et d'expérience pour... échapper ce match-là. De ton côté, Pierre-Luc? Surtout que c'est au Sepsum, oh! Les gars, là, faut pas oublier. Ouais, ouais, en effet. Je crois que la foule au Sepsum, c'est comme en fin de semaine, hein, il y avait peut-être 2000 personnes. Les... Parce que les conditions étaient pas. Ah non, je sais bien, mais. On va donner ça, là. Il y a déjà que c'est pas pire qu'il y en ait qui se sont présentés, j'en connais pas mal qui seraient restés. Ouais, mais t'as une moitié d'estrade qui est quand même couvert, là, fait que c'est déjà ça, là. J'imagine que ça s'était tout empilé de ce côté-là, parce que du côté de la caméra, dans le fond, on voyait pas grand-chose. Là. Il n'y a pas grand-chose, mais pas grand monde dans les estrades en face. Quelques animaux dans la forêt, dans la montagne. Un beau cerf de Virginie qui était venu voir une partie de football avant d'aller cueillir des baies. Donc, Pierre-Luc, de ton côté? Même chose, je pense que moi, je vais 110% avec Laval, bien sûr. Oui, OK. Je pense que Laval va gagner facilement les deux prochains matchs. Donc, OK, même contre Montréal, ouais, toi, ouais. Ton... Ouais, même contre Montréal, je pense que ça va être à Laval. Tu préfères pas attendre de voir ce qui pourrait se passer en fin de semaine? Non, même pas. Non? Bon, ben c'est bon. Montréal-Laval également. Montréal, ça avait été trop serré dans notre match Montréal-Bishop quand il avait gagné. Fait que d'après moi, Montréal va ressortir gagnant. Et je dois y aller du même côté que vous, Montréal-Laval. Comme tu dis, je pense que JP, tu l'as dit mieux, c'est vraiment... on s'excite avec Bishop, mais je pense pas qu'ils vont être de taille en série. Seule affaire qui pourrait faire la différence, c'est tout le temps la fameuse indiscipline des Carabins. C'est pas nouveau, c'était de même toute la saison, même ça s'est fini dans le brouhaha un peu en fin de match, vers et hors Montréal en fin de semaine. Bruno Eppel qui chialait contre des arbitres à la radio, je peux vous dire, parce que justement... Bon, ben, manque de discipline, puis les arbitres ont fait un travail moyen, donc c'est à revoir de ce côté. Donc, c'est beau pour la CIS, c'est ça. Puis selon vous, une prédiction vite de même, là, d'avance pour la Coupe Vanier. On regarde ça pour la semaine prochaine. Ah, pour la Coupe Vanier? Attends, non, Coupe Dunsmore, hein? Non, mais on est rendu à la Coupe Vanier, là, Laval. Les... c'est quand même assez difficile d'arrêter. Ben, on va voir qui va sortir. Donc, Luc, vas-tu y aller de même? T'as-tu des billets? Non, j'ai pas de billets, malheureusement. OK. C'est quand même assez difficile, je te dirais, là, dans la rue. Ouais, bah, mais non, j'en ai pas. Ça pourrait être intéressant de les regarder à la télévision. Ah, ça, la partie va être sur RDS, TSN, si je me mélange pas. Donc, non, pas RDS, Radio-Canada. Radio-Canada et TSN, donc c'est ça. T'avais-tu d'autres choses pour le Canadien, non. JP? Bon, ben c'est bon. Allez, on va aller en musique. Après la pause, tu nous parles de la NCAA. JP? Oui. Bon, après la... Je me demandais, là. Après la pause, tu nous parles de la NCAA. Oui. Parfait. Donc, on va aller écouter ça. C'était les élections municipales cette semaine. Donc, pourquoi pas aller voir une petite toune thématique, aller écouter ça. Un vote de moins, vulgaire machin. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. En tout cas, j'aimerais ça vous dire que vous êtes à l'écoute. Vous êtes toujours à l'écoute de la conduite de partie. J'ai un problème de chanson. On va réessayer ça dans 3, 2, 1. Vulgaire machin, un vote de moins. Vous êtes allé conduire de partie sur les autres de C'est fou. Présentement, 9h28. GP, NCAA football. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Ben, c'est pas passé grand-chose. Semaine bien tranquille. Je sais qu'on a raté deux semaines. Sauf que, non, c'est ça, cette semaine, assez tranquille. Là. Peut-être une surprise, peut-être qu'on va parler. USC qui se font battre pour une deuxième fois cette année. Pas aussi facile que contre... 47-20, moi. Ouais, non, 47-20, mais... c'est... Ouais, contre qui? Oregon. Oh, les Ducks qui sont de retour. Qui, une surprise cette année, je les aime bien. Je les haïs pas, les Ducks. Ben, 47-20, écoute, ils étaient 10e au pays. Les Ducks ont une seule défaite à date cette année? C'est ça. C'est contre les... Boise State. Boise State. Boise State sont en feu. Les Broncos. Ils sont combien, Boise State, au top 10? Je pense qu'ils sont 5e. Son cinquième. Ouais. Ça, là, on a discuté un peu. Penses-tu que ça dépend peut-être des éventualités de qui gagne, qui perd en avant? Boise State se dirige vers une saison parfaite pour une quatrième fois en 8 ans, je pense, en 7 ans. Est-ce que cette année pourrait être la fois où Boise State se rend au championnat national? Admettons, là, admettons qu'il y a juste une autre équipe parfaite. Là. Mettons, Florida n'en perd pas une. Texas vient en perdre une. Bon, on perd, mettons, contre Oklahoma ou peu importe. Et la Cincinnati aussi. Mais les gars, je me suis trompé. Boise State ne sont pas cinquième, mais septième. Je voulais vous parler de ça et tout à matin. Vas-y, parle-nous de ça. Il y a sept équipes qui sont encore invaincues. Là. C'est du jamais vu quasiment là, dans la ligue. Là. T'as Florida, Texas, Alabama, Iowa, Cincinnati, TCU, grosse surprise. Ouais, Texas Christian University, qui sont venus... Ils sont venus scraper les plates de BYU, si je me mélange pas non plus, eux autres. Ouais, mais c'est quand même 8-0, c'est une surprise de les voir là. Sixième, je pense que eux autres aussi, c'est leur meilleur classement jamais qu'ils ont jamais fait. Là. Ils ont jamais eu des grosses équipes, pis surtout avec leur conférence. Donc, je suis content de les voir là. Non, c'est ça, le Boise State, là, peut-être un championnat national, faudrait voir les résultats des autres équipes, mais t'as des équipes qui, vu qu'ils jouent dans des meilleures divisions, ont plus de chances. C'est ça, dans le fond, oui, leur fiche est bonne, mais ce qui est désavantage, c'est leur division toujours qui est assez faible, puis ils jouent pas nécessairement, ils ont des bonnes équipes, donc les médias et les coachs voteront pas pour eux au classement. Non, hein, c'est ça qui arrive, hein. À part de ça, puis c'est tout à la question, la fameuse question du BCS, là... Le fameux calcul, mettons, il y en a... Ça, c'est l'ordinateur qui calcule puis qui décide qui joue contre qui. Là. C'est pas les humains qui décident, si je me trompe pas. Ben, c'est un mix. J'essaie d'aller voir le classement du BCS, présentement. C'est un mix, c'est les votes des journalistes, les votes des coachs, puis le calcul par ordinateur, justement, au niveau de la force de la cédule, puis tout ça. Donc, ça va dépendre vraiment là, de ça. On dit aussi qu'Iowa, si jamais une équipe, une des grosses équipes venait qu'à se planter, là, si je peux dire, là, Iowa serait en bonne position en étant 9-0 de se classer. Faut qu'ils gagnent. Bon, faut qu'ils ont donc, encore. Donc, en même temps, ils jouent dans une division très dangereuse. Le Big Ten? Oui. Ouais, mais. Compétitif. Ohio State était pas mal. Tant qu'à moi, Ohio State était un peu surestimé cette année. Regarde, vois-tu, USC est encore 12e au classement BCS, tandis que Boise... Il y a deux défaites, mais tu sais, comme... 6-2. Je sais pas si tu vois, mais dans les 15 premiers, il y a genre juste USC qui ont juste deux défaites. Tout le reste, c'est 8-0, ouais. 9-0, 7-1. Après, t'as Ohio State qui est 7-2, qui vient dans les équipes avec deux défaites. Après ça, bon, Miami, Arizona, Oklahoma, bon... Si jamais, dans le fond, là, les grosses équipes en haut perdent un match... C'est une équipe comme Utah ou ben même Pittsburgh qui peuvent se remonter ça puis d'être dans les 5 premiers, là, on sait jamais, ça peut changer du jour au lendemain. Là. Fait que sérieux, cette année, ça va être vraiment intéressant à suivre ça. J'ai vraiment hâte de voir là, plus au mois de fin novembre, décembre, là, ce qui va arriver avec ça. Là. Parce que là, vois-tu Boise State dans le classement de la Associated Press? Et présentement, 5e, c'est ça que tu voyais tantôt qu'on s'en va. Ouais, par contre, OBCS sont 7e. Pourquoi? Parce qu'ils ont une saison plus facile. En jouant dans la WAC, ça vient vraiment les avantager parce que leur seul match qu'on considérait difficile cette année, c'était contre Oregon, qui sont présentement 8e. Là. Ça leur prenait absolument cette victoire-là pour espérer quelque chose. À partir de là, bon, Alabama, Texas... C'est Alabama, bon, doivent se taper le championnat de la SEC. Alabama ne pourra pas rester parfait non plus. Là. C'est Florida ou Alabama qui reste parfait. C'est ça, l'an passé, qui est arrivé et tout, là, qui avait coupé les chances d'Alabama d'aller au championnat national. Mm. Parce qu'on se rappelle, les deux équipes étaient invaincues. Puis même chose là, pour les Gators. S'ils perdent ça, avec des clubs C'est fini. Qui sont quand même assez forts, là, malgré que ça, eux, s'ils perdent aussi, c'est fini. Puis on le sait qu'au football de la NCAA, c'est tout à fait plus avantageux de perdre une partie en début de saison qu'en fin de saison, parce que tu te fais rabaisser tout de suite. On se rappelle, c'est arrivé souvent là, qu'une équipe qui perd dans les deux derniers matchs descende de 5-6 positions. Tandis que regarde Oregon. Oregon a perdu leur premier match, ils sont présentement 8e. Même chose comme USC qui avait perdu au début de la saison. Ouais, ben. Là, ils étaient quand même quatrième là, avant cette défaite-là. Ouais. Ben là, ils ont descendu un peu, mais tu sais, c'était en début de saison, ça te laisse une chance. Là. Parce que là, 8-0 veut dire que chaque équipe là, reste 3-4 parties encore. Là. Mais Alabama, ils ont une grosse game en fin de semaine aussi. Contre qui? LSU. Ouais, LSU qui sont 9e au classement du BCS, donc ça, peut avoir du changement ça sera pas plus facile. Du côté de Cincinnati, on affronte Connecticut. Bon, ça devrait pas être un problème. Quoique, un accident est si vite arrivé, hein? C'est du football collégial, c'est facile d'échapper une partie. Qui joue? Cincinnati est à l'étranger je pense que c'est à domicile, exactement. Contre Connecticut, au Nippert Stadium en Ohio. À part de ça, le fameux Nippert Stadium. Et bon, ben c'est ça. Donc, Florida, Alabama, il y en a une des deux qui va perdre au moins une partie. Donc, on peut ôter ça. Boise State devrait rester parfait. TCU, ça reste à voir, comme je dis. Contre San Diego State, c'est pas une force. Non, après ça, bon, ils affrontent Wyoming. Après, ils affrontent Utah. Utah pourrait peut-être être. Utah va être plus difficile. Les Utes de Utah qui sont d'après moi un petit peu, mais sinon Wyoming puis New Mexico là, c'est pas des grosses cédules là. New Mexico les Lobos, les loups en espagnol. Donc c'est ça. En tout cas, on va suivre ça, on va voir ce que ça va être intéressant. À part de ça, dans NCAA, ben là il y a notre chum le Garrett Blunt. Oui. Et là, c'est officiel. Il va revenir. Ah, Gadon. Même s'il donne des coups de poing, lui, il revient. Là. Gadon, là, que, là c'était correct. Là, c'est pas grave. C'est plus grave. Ça. Non, c'était correct. Que, là, qu'Oregon sont encore dans les rangs pour faire quelque chose de pas pire, là, on le ramène. Je suis pas sûr que si l'équipe était 4-4 ou 5-3, pas sûr qu'il serait là. Ben, moi, je suis sûr qu'il serait pas là. Mais là, je suis sûr et certain qu'il ne serait pas là, mais là, t'as des chances d'aller plus loin dans la saison, d'aller chercher un très bon bowl BCS, parce que ça m'étonnerait un bowl de championnat, là. Donc, on le ramène, puis on espère le mieux pour eux autres. Ben, de leur côté, ils espèrent le mieux pour eux autres. Fait que c'est quand même la grosse histoire, là, présentement, puis on se demande même si Oregon, il y a gros des journalistes qui se demandent si cette équipe-là peut vraiment aspirer au top. Là, je veux dire, USC, c'est quand même une grosse machine. De les battre non seulement par ce pointage-là, mais c'était même pas serré. Là. Ouais, non, c'est vrai. Puis c'est ça, Pete Carroll là, qui a tout changé cette semaine, là, son schéma défensif, là, si on veut. Là, lui, il a tout mis ça à l'envers. Il est un peu tanné, je pense, de cette équipe-là. Là. Cette année, ça va pas super bien. Gros des recrues au sein de la défensive. T'sais, quand t'as 3 secondaires de ligne partant qui partent pour le repêchage de la NFL, c'est sûr que ça fait mal. Ah, ben, tu sais, écoute, USC ont toutes des bonnes équipes, mais il y a des années qui sont moins bonnes. C'est ça, la loi de la moyenne. C'est la loi du recyclage. C'est un cycle. C'est un cycle, exactement. Donc, ça, parle de ça. À part de ça, j'ai retenu un autre match que je vais suivre avec intérêt. Ohio State comme Penn State. Les deux équipes là, qui sont 15e puis 11e qui battent pour monter dans le classement. Tu pourrais venir gagner le championnat du Big Ten. Entre autres. Puis une place au Rose Bowl. Penn State va gagner, selon moi, sont à domicile au très intimidant Beaver Stadium. Ouais. 110, 112 000? 112 000. 112 000. Oui, en effet. Spécial comment il est fait, par exemple, le stade. Là, tu vois qu'il a été agrandi une couple de fois de la façon qu'il est construit. On a l'impression de voir... Ça ressemble à Habitat 67 à Montréal, un peu. Tu sais, les cubes, là, un par-dessus l'autre. Ils ressemblent à ça, un peu, leur stade. Donc, si t'avais tout autre chose pour l'NCA? Non, c'était tout. C'était pas mal tout? Moi, c'est pas mal tout. Bon, ben, je te remercie beaucoup, JP. All right. C'est bon, passe une belle semaine. Yes, salut. Hey, on va passer une petite pause. Après la pause, on va y aller avec les revues de presse, un peu de tout. Sébastien, je pense que tu as beaucoup de choses à nous parler à travers le monde du sport, les Estacades, les Diablos qui ont terminé leur saison. On va aussi aller à la musique, donc on se retrouve dans 2 petites minutes. Attention, attention.

Gun Gang, Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo, une toune qui est toute sauf propre quand on regarde des paroles. Il est présentement 9h43, vous êtes à l'inconduite de partie, Giroux, Proulx, Grenier, Nicolas Ducharme avec vous ce matin. Quoique JP il n'est plus là, mais il a été là tantôt. Quelle température fait-il dehors, Sébastien? Un beau 5 degrés présentement, de la pluie toute la journée, puis demain il va commencer à faire plus froid, on tombe plus dans les froid. Négatifs, moins 2, moins 3. Ah, fait que, donc on peut commencer à cirons nos skis, oui, ça s'en vient rapidement. Oh. Hey, si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial, inconduitedepartie.com, le site web, www.inconduitedepartie.com. Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu revue de presse, écoute, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans la région trifluvienne et ailleurs dans la planète? On peut commencer avec les Midget 3. Vas-y. C'est pas mal plus d'informations que j'ai. Dans les deux dernières semaines, il y avait deux parties importantes. Si on se rappelle, j'avais dit qu'on se prenait contre Notre-Dame puis Lévis. C'était les équipes en dessous de nous au classement. Ils ont quand même eu de la difficulté contre Lévis, mais contre le Collège Notre-Dame, une victoire de 5-2. Deux points pour Marc Couturbide, Lévesque, Kane et Hull dans la partie. Ils ont seulement reçu 19 tirs, fait que c'était pas trop menaçant. Ensuite, dimanche, ils affrontaient Lévis. Une défaite de 6-5, donc ça compliquait les choses au classement. Le capitaine de Lévis, Jean-Christophe Laflamme, a fait 2 buts, 1 passe, tandis que pour Trois-Rivières, Julien Hull, 1 but, 2 passes. C'est une défaite malgré 38 tirs. Pour la dernière semaine... Jeudi, on affrontait, Trois-Rivières affrontait Séminaire Saint-François, les premiers devant eux. C'est une partie très importante. Victoire de 6-0 contre Séminaire Saint-François. Pourtant, les bizarres conservent le premier rang. Oui, ouais. Mais ils sont à 2 points. Deux points, mais... 16 tirs au but, 6-0. Le gardien était chancelant pour Séminaire Saint-François. C'est pas facile comme partie, ça, le lendemain. Là, je peux te dire que tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Ouais, je me remets en question. » C'était pas ma meilleure. Non. 28 arrêts dans la partie jeu blanc de Appleby. C'était pour lui un record de jeu blanc pour. Bon nom. Appleby. Très bien. Appleby. Les Applebee's aux États-Unis, là, oui, les restaurants. Là. Mmh. C'est là. Non, ceux qui ont déjà mangé là. C'est un. Alors, vous allez aux États-Unis? Applebee's. Pas eu la chance encore. Je vous le garantis. Je vous le recommande. Ça et Hooters. Ouais, Hooters, c'était mon prochain choix. Ça vient en deuxième. Tu y vas plus tard. Donc, record de jeu blanc pour Applebee, pour vous le dire comme il faut. C'est le 4e de sa carrière. Il devance Marc Denis et Antoine Tardif, ainsi que Danny Miro. Aussi, il y a eu un record. Pas des petits noms, hein? Ben, sauf Miro, là, mais. Ben, c'est quand même bien. Non, pas mauvais, il est rendu universitaire, mais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Là. C'est pas Marc Denis, bon, OK. Je comprends pas. Non, quand même. Il y a aussi le record de jeu blanc à l'étranger avec 3. Finalement, il y avait un dernier match en fin de semaine. C'était contre Jonquière. Une victoire de 7-4. Maxime Saint-Cyr dans la partie, 1 but, 2 passes. Trois-Rivières est à 2 points de Saint-François au premier rang. Et à 2 points de Jonquière. Jonquière est à 2 points de eux avec un match de plus à jouer. Donc, ça va être assez serré jusqu'à la fin. Maxime Saint-Cyr est premier marqueur de la Ligue avec 26 points en 16 matchs. C'est tout pour le Midget 3. Tu veux parler des Patriotes un peu? Non, Patriotes, on va faire ça après la pause. On va vraiment toucher avec la partie plus, contre la Suède. Oui, donc ce qui s'en vient. Hey, football, c'était la conclusion de la saison des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Ils affrontaient le Cégep Lévis-Lauzon, qui sont premiers au classement. Donc, ça s'est continué, la descente aux enfers pour les Diablos, une défaite de 35-7. Au classement général, alors les Diablos sont exclus des séries. Le classement final, les Faucons terminent premier, Volontaires de Sherbrooke deuxième, le Notre-Dame du Cégep du Notre-Dame-Sainte-Foy troisième, les Géants de Saint-Jean quatrième, les Condors de Beauce-Appalaches cinquième avec 10 points et les Vulcains de Victoriaville sixième. Victoriaville a perdu son match en fin de semaine. Oui, ouais, une défaite, donc ce qui fait qu'ils sont éliminés des séries, c'est les 6 premiers qui font les séries. C'est pas mal. T'avais pas du genre 3? MMA? Mémé, vas-y avec Mémé. Tu n'as pas tes notes, prends ton temps, on va te sortir ça. Je m'attendais pas. Je pensais que c'était la revue de presse. Non, je mets ça là-dedans. Je t'ai inclus dans la revue de presse. Je te coupe d'abord. Écoute, l'attaque de Trois-Rivières a disputé, on va en parler. Je tiens à en parler. Félicitations à eux. Champion national de la CSL, la Canadian Soccer League, la Ligue canadienne de soccer. Ils ont remporté le match 3-2 face aux White Eagles, les Serbian White Eagles. L'Ontario, en tout cas, c'est compliqué comment que la Ligue travaille. Là. Le match qui était disputé au centre BMO de Toronto, où le Toronto FC joue. Donc, ça fait beaucoup de Toronto dans la même phrase. Mais... Donc, félicitations à eux, c'est leur deuxième titre depuis leur existence, si je ne me trompe pas. Donc, bravo à l'attaque. MMA? Donc, c'est mon segment MMA ou Coronguay. Je vais y aller avec le Coronguay pour qu'on soit dans le hockey. Fais tout ce que tu as à faire, man. Coronguay est en feu tout simplement, il n'arrête pas de gagner, ils sont premiers au classement présentement. Toutes les parties qu'ils ont jouées dans les deux dernières semaines ont remporté. Ils ont battu Pont-Rouge 6-5 là, deux semaines, Mandeville. Louis Mandeville est vraiment, c'est impressionnant. Il est parti de, je pense qu'il était dans les 25 meilleurs marqueurs, il est rendu quatrième. Il a fait environ une quinzaine de points pendant les deux dernières semaines. Donc une victoire de 6-5 contre Pont-Rouge. Mandeville dans la partie 3 points. On va y aller plus dans les parties en fin de semaine. Il y avait contre Ted Firmines à Trois-Rivières, 927 personnes à la partie. C'est encore très décevant. Le but 2-1 contre Ted Firmines, but gagnant de la liberté. C'est le seul but qu'il y a eu en réglementaire pour Trois-Rivières. Poitras a arrêté 30 des 31 tirs dirigés vers lui. Il y a eu une partie contre Sherbrooke, une victoire de 5-1. Le Trois-Rivières a pris les devants 2-0 au début de la partie sur des buts de Bocage et Rodrigue. Ensuite, Sherbrooke a fait un but en deuxième période pour faire 2-1. Trois-Rivières est revenu avec 3 buts sans riposte dans les 5 premières minutes de la troisième période. Des buts de Mandeville, Caudron, un nouveau joueur, ainsi que Mathieu. 43 arrêts sur 44 lancés pour Poitras. Il y a vraiment une grosse fin de semaine, lui, également. Une bonne odeur de rubber. Un but, 3 passes pour Mandeville dans la partie. Finalement, Trois-Rivières affrontait Saint-Georges. Une victoire, les deuxièmes de leur section. Une victoire de 9-2. Fait que, dans le fond, ils n'ont aucune opposition présentement dans la Ligue. L'équipe de Dean Ligitakos. Ligitakos, que j'ai jamais su comment le prononcer. Moi non plus. Est en feu, comme tu disais. 3 buts de Jolie dans la partie. Ensuite, Mandeville, 2 passes encore. Donc, Trois-Rivières toujours invaincus. 9 victoires, 0 défaites. Là, on va pouvoir compter sur le retour de Mike Ouellet. Mike Ouellet qui a été éliminé. Il est éliminé de cette façon-là. Il va falloir qu'il se réentraîne un peu. Il va falloir qu'il refasse un peu de hockey avant parce qu'il a plus la tête aux femmes. Ah, ouais, en courant tout nu sur la plage, ça fait du bien. Les trois accords disaient, tu peux pas sortir plus en forme que de courir tout nu sur la plage. On va y aller avec le MMA maintenant. Lui, il parle. Pierre-Luc, lâche occupation double. juste savoir. Mike, on parle pas d'occupation double. On parle d'hockey. Mike est de retour cette semaine. Donc, Mike, ça touche au sport. Ouais, sport. En tout cas, pour moi, il faisait plus de sport là-bas qu'il en fait ici. Il est-tu bon? C'est qui ça, Mike Ouellet, par rapport à l'équipe? C'est un Fort Lyre, c'est un quatrième trio? C'est un 3-4e trio. OK, OK. Parce qu'il y a eu plusieurs Ouellet dans la Ligue américaine et East Coast. Non, c'est un très bon joueur. C'est un très, très bon joueur. Sauf que si tu le Mike Ouellet qu'on connaît, genre, il y en a un qui est, mettons, dans le jeu NHL. Je ne sais pas si c'est lui. Non, c'est pas lui. Oh, mais ben, ça dépend s'il joue dans la Ligue américaine. Il joue dans la Ligue américaine, peut-être. Okay. Il me semble que oui, mais je n'étais pas prêt à dire qu'il y a... T'as les équipes de la Ligue américaine dans NHL maintenant, donc... Mais je dis pas que il y a pas de l'air si talentueux que ça. En tout cas, c'est que... C'était pas dans les vedettes, d'après moi, de la formation. Je me demandais, non, c'est ça, donc c'est un joueur d'un petit peu plus... On s'en reparle. Arrive-nous avec l'information là-dessus, puis un peu de potin, Pierre-Luc, va être intéressant. C'est ça. Ouais, avec quelle fille qui... Non, mais... Tout, c'est un joueur d'hockey. Je pense pas qu'ils déforment leur trio pour faire de la place à Ouellet quand l'équipe va bien comme ça. Ah, c'est ça. Ils n'ont peut-être pas de besoin non plus, je sais pas, mais... C'est rendu lui, la vedette. Mais oui, ils vont attirer la foule, venez voir le Coronguay, 900 personnes, on va en avoir 300 de plus juste pour voir Mike Ouellet. Ben non, mais c'est comme les autres téléséries, télé-réalité, s'il est éliminé, c'est parce qu'il était pas fin, donc il va avoir encore moins de monde, puis les petites filles vont venir pitcher des roches. Non, pas des stigars, des roches. C'est pas s'il a été méchant, là, je sais pas, j'écoute pas ça, moi, des séries. T'écoutes ça, toi? J'écoute pas ça, mais... T'écoutes ça! Arrête, t'écoutes ça, c'est la première nouvelle que j'ai eue en rentrant sur... T'écoutes ça, Pierre-Luc, je suis sûr que t'écoutes ça, là. J'écoute pas ça. Arrête! Je connais une fille qui joue dans ça, elle travaille avec moi, justement. Donc, c'est une des raisons pourquoi... Noémie, qu'elle s'appelle. OK. Donc, c'est une des raisons pourquoi je suis ça. C'est pas elle qui est sur le summum cette semaine? C'est en plein ça. Wow, OK. Je la connais très bien, c'est une des raisons pourquoi je suis ça. Je comprends pourquoi tu veux la connaître. Honnêtement, là, moi tout, j'aimerais ça la connaître. Seulement 20 ans, ah ouais? C'est la plus jeune de la gang, je crois. C'est la plus jeune. Je me sens vieux, moi, là, avec mes 25. T'as eu 25 la semaine passée. Un corps de Nicolas, merci, merci beaucoup. C'est en onde. Ouais, non, on peut le dire, c'est correct. Un beau 25 ans. 25 ans. On essaye de bien vieillir. Hein, comme on dit, on fait du sport. C'est important de faire du sport, se garder la forme. On n'a plus 20 ans. Non, on n'a plus 20 ans. Les matins sont plus difficiles. Ouais. Le dos, c'est humide hein, ce matin. J'ai le dos en compote. Pas à cause du MMA, non? Non, mais sinon, c'est bon le MMA. J'ai commencé ça, pratiqué ça. Puis ouais. Excellent pour la flexibilité, mais je peux te dire que... Mettons, te donner un exemple. Jeudi passé, là, un cours d'MMA, puis une game d'hockey une heure et demie plus tard, puis le lendemain, une autre game d'hockey, là, j'avais les cuisses en compote. Fallait que tu fêtes là-dedans, en plus. Non. Fallait que je fête, ouais. On a fêté l'Halloween après ça. Fait que l'alcool est venu engourdir mes jambes et ma douleur. Vas-y donc, MMA, là, en parlant du sujet. Ouais, OK. J'ai eu raison sur 4 de mes 5 positions la semaine passée. Là, j'en ai d'autres à faire aujourd'hui. Pourquoi tu paries pas à Vegas? Vous devriez me dire, t'as la même affaire pour le hockey, mais je le fais jamais. Ouais. Lyoto Makida, il se battait contre Mauricio Rua. C'était le combat principal de la soirée. Makida a dominé les deux premières rondes, mais il y a eu la controverse dans ce combat-là. Beaucoup de controverses, hein, même pour plusieurs... pour plusieurs, ils disaient que non, c'était Shogun qui aurait dû gagner. Les trois dernières rondes, Shogun a dominé totalement. Mais ça s'est terminé par décision au cinquième round. Victoire pour Makida. Est-ce qu'il va y avoir un combat revanche? Je t'indique que oui. Parce que ça va se vendre. Ça a été demandé, ça va se vendre pas mal. Mais encore là, ça aurait dû être Mauricio Roy qui aurait gagné. Parce que Dana White chialait contre ses juges, contre ses arbitres. Mais en dedans, là, lui, il rit, il est crampé, il est heureux. Là, voyons, là. Elle sait que ça va se vendre, là. C'est de l'argent qui vient de tomber dans ses poches facile. Là. C'est un manipulateur un peu, Dana White aussi là-dessus. Là. C'est un bon promoteur. C'est un job. C'est carrément un angle de lutte là, qu'on vient d'avoir. Là. Mm-hmm. Fait qu'on y va avec les autres combats. Cain Velasquez, dans les poids lourds, mis sa fiche à 7-0. Un KO au deuxième round contre Ben Rothwell. J'avais dit que Rothwell gagnerait contre sa rapidité. Ça s'est terminé rapidement, finalement, mais de l'autre côté, Velasquez, c'est peut-être un des prochains aspirants contre Brock Lesnar, qui est blessé présentement, mais on va voir quand même. Ils ont remis son combat 2 mois plus tard, c'est ça? 2 mois plus tard, UFC 108, je pense. OK, ouais. Gleison Thibault, gagné sa 30e victoire, décision unanime au 3e ronde contre Josh Neer. Victoire de Joe Daddy Stevenson, 36e victoire. Victoire au 2e ronde par soumission contre Spencer Fisher. Anthony Johnson, sa 8e victoire contre Yoshiyuki Yoshida. Une victoire au premier round après 21 secondes seulement. C'est un KO assez expéditif, comme on dit. Hey, c'est un mois d'entraînement pour 21 secondes. Pour 21 secondes. Mais Anthony Johnson a une bonne force de frappe aussi. Écoute, il y a des sprinteurs au 100 mètres que c'est moins que ça. C'est des mois d'entraînement pour en dessous de 10 secondes. 10 secondes. Dans les deux prochaines semaines, Randy Couture se bat à 46 ans. Papy Couture. Contre Brandon Vera. Encore un coup d'argent pour lui. On va faire mes prédictions, mais juste la semaine prochaine. C'est bon. Il y a aussi Kimbo Slice, qui a eu un combat d'annoncé à UFC. Il a été éliminé à Ultimate Fighter dans son premier combat. Ah ouais? Il a quand même obtenu un contrat à 215 livres. Ça veut dire qu'il baisse. Il a pris une entente avec Houston Alexander, qui est quand même un excellent combattant. Lui, il est à 205, il faut qu'il monte à 215. Kimbo, 235 à 215. Donc, voir Kimbo Slice à 215 livres, il est massif. Sa force de frappe devrait quand même demeurer. Fait que ça va être très impressionnant à regarder. Mais tu dis que Houston Alexander est un bon combattant. Il a une bonne force de frappe aussi, puis il est en shape. Il est en grosse forme. Puis lui, il monte de poids. Il a déjà battu Keith Jordan au premier round assez facilement. Puis ouais, Jordan, je vois pas comment. En tout cas... Kimbo, on sait jamais, là. À 2,35, à 2,15, t'as encore... T'as de la puissance pas mal. Sûrement pas du gras qui va perdre. Il va perdre de la masse musculaire un peu, mais... En tout cas, bonne chance, Kimbo, là, mais... C'est sa dernière chance de se faire valoir puis de peut-être obtenir un contrat de mener parce que sinon, on oublie ça. Je pense qu'il va se faire slicer. était facile. Il en sortir une. C'est mardi. Je sais, on est mardi. C'est les mardis... C'est les mardis jeux de mots sur ces fous. En fin de semaine, il y a un gala Strike Force, celui de Fedor Emelianenko. Veux-tu acheter une voyelle? À toi, la semaine, j'ai de la misère. C'est tellement dur à dire son cool, nom. C'est pareil comme Dean du Coron. Ah, ouais, je sais. C'est... T'as de la misère, toi, avec. Fedor Emelianenko. Emelianenko. Emelianenko. Ouais. C'est samedi, le 7 à 20h, et c'est présenté à CBS, donc il oui. Faut le regarder. À 20h? Oui. Ah, je pensais que c'était plus tard que ça. Il y a les préliminaires à 16h, mais je pense pas que ce soit présenté. Ouais, non, des préliminaires, ça vaut ce que ça vaut d'habitude. Ah, pas mal. Hein, surtout dans Strike Force, les combattants. Ouais, c'est ça. Des préliminaires, on essaie de skipper ça. T'es un skippé de préliminaires, hein, toi, ah, Sébastien? Ah, ouais, moi, je vais droit au but. Fedor à 6 pieds, 231 livres, 31 ans. Il se fera contre Brett Rogers, qui est toujours invaincu, 6 pieds et 5, 265 livres, 28 ans, pas mal plus jeune. Donc, ça va être dur pour Fedor, mais vu que la Ligue n'est pas vraiment de calibre avec ce qu'il se battait avant, d'après moi, Fedor va remporter par décision quand même. Les 5 rondes vont durer, parce que Rogers, c'est la vedette de Strikeforce présentement. Par décision, 5e ronde. Ensuite, il y a Jason Miller qui se bat contre Jake Shields. Shields, c'est un pro de la soumission. Shields devrait remporter... au 3e round par soumission. Il a monté de 170 livres à 185 livres pour faire ce combat-là. Fait qu'il devrait quand même être assez rapide, mais on verra bien. Il y a aussi Gegard Mousasi qui se prend contre Ramon Sukujuku. Des noms qui valent cher au Scrabble. Oui. Un combat de 205 livres. Je vais y aller avec le plus facile pour le gagnant, pour ne pas le nommer deux fois l'autre. Mousasi, victoire, soumission, 2e ronde. Et Fabricio Werdum, 6 pieds 4, 228 livres, 17 victoires, se prend contre Antonio Bigfoot Silva, 6 pieds 4, 265 livres. C'est vraiment un monstre, tellement un monstre que la face difforme. Vous voyez des photos d'Antonio Silva, là, c'est impressionnant. Okay. Victoire. Ça m'intéresse pas vraiment, non? Oh, il ressemble à Great Khali un peu. Victoire. Oh, oh Great Khali, la lutte. Victoire de Parco au premier round de Silva. C'est pas mal ça pour qu'est-ce qu'il y a des combats ultimes. C'est les Patriotes. Et bon, ben, c'est parfait. Hey, on va aller en musique. Un petit peu de country ce matin. On va aller écouter Les Maléchés avec la chanson Le Garage. Pour ça, une pause. On vous revient après cet arrêt publicitaire pour Patriotes. Hockey, sport complet, soccer, tout le kit. On se revoit dans deux minutes. Vous écoutez L'Inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. L'entrée du garage est condamnée depuis déjà longtemps. Les curieux y jetteraient bien un coup d'œil, mais pourtant, les seuls qui sont amis font partie de nos amis. Les autres qui restent dehors, pis tant pis. Y'a de quoi d'eau qui se passe dans le voisinage. On nous entend travailler dans le garage. Ça inquiète la population, mais ils vont savoir, ça sera pas long. Mais y'a de quoi d'eau qui se passe dans le voisinage. Si ça les inquiète tant, c'est que la dernière fois, les gars du quartier voisin ont voulu faire la loi. On les a vu débarquer, presque tous armés, de battes de baseball et de bord de fer rouillé. De battes de baseball et de bord de fer rouillé. La rencontre s'était montrée plutôt violente. C'est à huis clos, c'était déroulé la battante. On les avait laissés rentrer, mais quand la porte s'est refermée, c'est en ambulance qu'ils s'en sont tournés. Cette fois-ci, c'est différent, il n'y aura pas de bagarre ni d'effusion de sang. Cette fois-ci, on peut être fier de ce qui sort du garage. Ça fait des mois qu'on est sur ce projet-là. quand ça va sortir, vous y croirez même pas. Préparez vos Kodak, c'est un soir qu'on roule les portes du chac. Y a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Attention, le format de l'émission qui suit peut induire des troubles du sommeil et ou une perte partielle d'audition. Le jugement averti des auditeurs est conseillé. CTR, l'émission Trance aux influences psychédéliques et progressives, est diffusée tous les mercredis soirs à partir de 23h sur les ondes de CFOU. En compagnie de Pierre-Olivier Champagne, venez découvrir ce genre underground au son éclectique. Soyez donc du voyage pour entendre des remixes percutants, les nouveautés ainsi que les classiques du genre trance psychédélique. CTR, tous les mercredis dès 23h. Il fait chaud chez toi. Everybody's New Buzz, une émission éclectique à saveur jazz et électronique, en compagnie de Sébastien, tous les samedis en début de soirée de 19 à 21h. Attention, attention! Tous les véhicules immatriculés au Québec devront être munis de pneus d'hiver entre le 15 novembre et le 15 avril. Donc, n'attendez pas pour vous rendre à votre magasin Canadian Tire. Allez voir les spéciaux en magasin sur les différentes promotions sur les pneus d'hiver ainsi que sur toute la marchandise hivernale. Commencez l'hiver du bon pied avec votre magasin Canadian Tire. Qui es-tu? Dean Portman. D'où viens-tu? De Chicago, Illinois. Toi? Guy Germain. D'où es-tu? Saint-Paul, Minnesota. Toi? Jesse Hall, de Minneapolis, Minnesota. Qui es-tu? College Charm, Saint-Pie. Luis Mendoza, Miami, Floride. Sébastien Proux, Joliette. Fontaine-Louis, Stillwater, Minnesota. Ouais. Qui es-tu? Pierre-Luc Giroux, Québec. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Kenwoo, San Francisco, Californie. Je suis Granier, Saint-Hyacinthe. Et je suis Gordon Bombay, Minneapolis, Minnesota. Le conduit de partie. Et c'est la deuxième heure de l'inconduite de partie qui commence. L'émission qui vous parle de sport amateur de partout à travers le monde, mais beaucoup de la région. En parlant de région, allons-y très proche, l'UQTA est ici même à côté de nos studios, à l'entour même de nos studios. Nos studios sont à l'UQTA. C'est ça que je dis, à l'entour de nos studios, là, pas mal partout. Donc, Patriote, on va y aller soccer, c'était la fin de saison au soccer. Bon, saison plus que décevante. Ben non, pas pour tout le monde, je pense que les gars... Les gars, ils ont bien remonté gars, à la fin, les gars, belle correct, fin de saison. Là. Les gars, c'est vraiment... Les filles, ça n'a pas bien été. Peut-être écoute, la blessure, depuis que la personne, la fille s'est blessée jusqu'à la fin de la saison. Marie-Michel. Marie-Michel. La Pointe? La Vallée? La Pointe, ok. J'ai pas les... Oh, faudrait, en tout cas, j'ai pas l'info, mais ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine chez les femmes? Bon, ben, on affrontait Concordia qui n'est pas une des puissances de la Ligue. C'est une nulle de 0-0 vendredi soir. Donc, pas grand-chose à dire sur le sur la partie. Et contre les Martlets de McGill, ça s'est terminé dimanche 5-1 pour les Martlets. Donc, une bonne dégelée. Au classement final, juste dans la partie, Audran Garceau récolte le but Félicitations, dernier but de la saison. Oui, c'est ça. En attendant la saison de soccer intérieur, qui avait quand même bien été l'an passé, la saison de soccer intérieur. Donc, au classement final, il y a une grosse différence au niveau des filles. Pas beaucoup de parité au niveau du haut et du bas de classement. Il y a 8 équipes. Montréal, premier, 37 points. McGill, 31. Sherbrooke, 30. Laval, 29. Pouf, ça, c'est le top 4 qui va faire les séries. Cinquième position, QTR, 12 points. Concordia, 10. Bishop, 6. UQAM, 5. Donc, il n'y a pas eu de grosse compétition pour savoir qui faisait les séries. Pas beaucoup de parité, exactement. Non, donc, tu sais, on dit que c'était décevant pour les filles, ouais, mais tu sais, on dirait bien que les 4 équipes. Le top 4 était comme défini. Le top 4 est très dangereux. Chez les hommes, bon, la situation chez les hommes, ils se devaient de gagner. Leur partie de la fin de semaine. Ils n'ont pas perdu un match dans les deux dernières semaines. C'est ça, là. Donc, ils devaient absolument gagner les parties de la fin de semaine pour espérer faire les séries. Donc, avant la fin de semaine, voyez-vous, l'UQAM, les Citadins, avaient une fiche de 14 points et l'UQTR avait une fiche de 13 points. Donc, c'était serré. Vendredi, contre Concordia, victoire de QTR. On rentre fort dans la fin de semaine, on veut gagner. Les buts, c'est Kanté Abdoulaye et Nicolas Benoît qui ont compté. Donc, le joueur du match, Nicolas Benoît, justement. Petit problème, par contre, l'UQAM a remporté leur match. Grosse victoire contre les Carabins de l'Université de Montréal. 2-0. Donc, on arrive au dernier match de la saison. Il y a maintenant, c'est encore un point entre les deux, un point d'écart entre les deux. L'UQTR doit absolument gagner, espérer une défaite ou une nulle de l'UQAM. Donc, malheureusement, contre les Redmen, c'est une défaite de 2-0 de l'UQTR. Ils ont laissé aller l'avance en partant, ça c'est pas revenu. Donc, c'est malheureusement. Et de leur côté, bon ben l'UQAM a gagné 5-1 contre l'Université de Sherbrooke. Encore une fois, Sherbrooke qui eux, ils sont pas des puissances de la ligue. Donc, les Redmen avaient un avantage. Trop peu, trop tard, je pense qu'on pourrait dire pour l'UQTR, mais qui n'ont pas à blâmer de leur saison. Non, ça. Nicolas Benoît, il y a une grosse saison. Ouais, Nicolas Benoît, une grosse saison. Kanté Abdoulaye aussi. Ouais, puis il y a l'autre, celui le nom qu'on déforme. Ouais, le nom qu'on déforme à toutes les semaines, là, que j'ai un blanc, là, désolé. Là. Que lui aussi. Donc, je pense qu'il y a eu des nouveaux joueurs cette année qui se sont greffés à l'équipe. Plusieurs étudiants étrangers là-dedans qui sont vraiment venus faire un beau travail. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la saison intérieure, mais je pense qu'on commence à bâtir de quoi de très intéressant là-dessus. Classement final, Laval remporte la Ligue par un point devant Montréal, donc 26 points, Montréal 25, la défaite de Montréal a fait mal. Contre, les premiers. Oui. Exactement. McGill, 21 points avec 12 parties. L'UQAM, donc, se classe pour les séries avec 20 parties. Et l'UQTR termine à 16 points. Donc, quand même, félicitations pour la saison. Oui. Allons-y, hockey! Hockey, Patriotes, deux matchs en fin de semaine. On affrontait le Royal Military College ce vendredi. Victoire facile des Patriotes, 5-0. 39 tirs contre 16 dans la partie. Seulement. Et pas beaucoup. Blanchard n'a pas eu trop de rondelles. Non, il ne sentait pas le rubber. Donc, les buts chez les Patriotes. Bellefleur, assisté de blé. Bellefleur en tir de pénalité. Jonca, Charlin et Joannis. Les meilleurs pour les étoiles, dans le fond, pour le match. Steve Bellefleur, la première. Alexandre Blais, la deuxième. Le petit attaquant qui continue de faire des gros points. Grosse acquisition sur l'an passé là, de Saint-Francis Xavier qui a dû attendre un an avant de venir jouer à Trois-Rivières. Quelle acquisition! Il joue du gros hockey. Puis, il est pas peureux pour deux scènes. Il joue bien. Et la troisième, Jean-Christophe Blanchard. Pour les points, Alexandre Boivin, deux passes. Steve Bellefleur, deux buts. Et Alexandre Blais, deux passes dans la partie. Samedi, contre le Varsity de Toronto. Plus difficile. Mais ils ont toujours eu de la difficulté contre Toronto, qui est comme qualifié un peu comme leur bête noire. À part McGill. Oui, c'est ça, la bête noire en Ontario. Parce que McGill, ici, c'est bien pire. Donc, victoire de l'UQTA, les Patriotes, 4-3 contre le Varsity en tir de pénalité. Donc, ça a été serré au niveau du pointage. Par contre, pas au niveau des tirs, 43 tirs pour les Pats, 25 pour les Torontois. Donc, comme on disait, pas serré. Le sommaire, premier but, Charlat, c'était de Leblanc. Leblanc et Chicoine en avantage numérique. Toronto est venu égaler la marque. C'est Snatzinger, acheté de Sherrard et Hilliot, aussi en power play, en avantage numérique. Deuxième but, c'est Bellefleur, acheté de Lévesque et Richard. Toronto vient encore égaler la marque. Caudry, acheté de Clear. C'est quoi? Clear. Et Teach, à l'avantage numérique aussi. Et Désillet est venu mettre ça 3-2 pour l'UQTR, les passes à Charlat et Joannis. Mais Toronto vient égaler la marque en fin de troisième période. En troisième période, c'est le but de Elliott, c'était de Mooney et Kay. On s'en va en prolongation, ça ne fait pas de mètre. On s'en va en tir de prolongation. Et le but gagnant, Francis Charlat sur le troisième tir. La semaine, je pense. Oui, exactement. Breton et Blais avaient aussi tiré, n'avaient toutefois pas marqué. Les étoiles, Charlat première, Snatzinger deuxième et Blanchard troisième. Dans le match, bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas qui était très défaillant pour les Patriotes? L'avantage numérique, 1-11. Ouf! Je sais pas si c'est... On a eu 11 chances. 11 chances, 1-11. Donc, c'est 22 minutes. Oui, c'est beaucoup, beaucoup. Parmi ça, au contraire, Toronto est excellent, 2-6 sur l'avantage numérique. Donc, ça n'a pas été excellent, mais l'équipe reste parfaite. L'UQTR. Exactement. Au classement, l'Ontario, l'UQTR est toujours premier. Nipissing, deuxième. Nipissing qui ont une défaite. C'était contre nous, 8-1, premier match de la saison. C'était pas leur premier match à eux, mais premier match de la saison de l'UQTR. On s'entend que pour le reste, ça joue bien. Ouais. Les Lakers sont pour bien un programme de première année comme ça, là, très surprenant. Mmh. Toronto, troisième. Bon, ben, ils viennent d'aller voir une défaite. Sinon, ils seraient encore plus haut, probablement. Ben, sinon, ils seraient pas plus haut, mais il y aurait plus de points. Et McGill, toujours parfait, 4-0. Seulement 4 matchs disputés pour McGill, qui ont disputé plus de matchs hors concours. Ils ont joué contre Harvard. Plus joueur. Francis Charlat est nommé Patriot de la semaine, le vétéran de 2 saisons avec l'équipe de hockey, a rajouté 3 buts lors du dernier week-end pour permettre aux Patriots de conserver une fiche parfaite de 7 victoires. Francis débute sa 2e année en administration. Au top 10 hockey masculin, c'est UNB, l'Université du Nouveau-Brunswick, toujours premier, les champions nationaux de l'an dernier. Ils vont être difficiles à déloger. Deuxième, Alberta, ça aussi, tout un gros programme. Là, les Golden Bears qui sont... là, année après année, gros programme qui sont un peu l'équivalent de UNB dans l'Ouest. Troisième, nous voici, nous voilà, l'UQTR qui monte d'une place. Manitoba, les Bisons qui ont baissé 3 positions et qui étaient troisième l'année dernière, sont suivis par Lakehead, St. Mary's, Manitoba justement, et McGill au 7e rang. Grosse nouvelle cette semaine qui est sortie sur ruefrontenac.com. Jacques Laporte, l'entraîneur des Patriotes, qui travaille sur la série Québec-Montréal, la série de hockey télé-réalité, ça se pourrait qu'on le perde comme coach. Pour parler avec Guy Carbonneau. Guy Carbonneau. Écoutez, il y a des places d'ouvertes pour l'émission. Laporte considérait ça pas mal. Écoutez, je vais vous dire, je lis, c'est Serge Lemengs de ruefrontenac.com qui rapporte ça. Je lis ça mot pour mot, une citation de Jacques Laporte. « J'adore mon équipe, répond le principal intéressé, mais j'aime pas mal moins le contexte de travail dans lequel je suis actuellement plongé à l'UQTR. Il y a un conflit de travail entre le directeur des sports, il me manque son nom, là, mais par rapport au début de la... Cet été, on voulait déménager les Patriotes à l'aréna Jérôme Côte-Noir. C'est pour ça. Un souhait de Laporte, ça a été refusé, même si la ville était partante aussi. T'es prêt à investir 100 000 $. C'est un peu nébuleux, là. C'est sorti un peu dans une nouvelle liste. Donc, les Patriotes se retrouvent à jouer, ne jouent plus au Colisée de Trois-Rivières parce que, en tout cas, le Coron Aiguille s'est opposé. Se retrouvent au Colisée Mongrain, qui est, bon, que c'est une chaîne, là, on s'entend, là. C'est vraiment pas beau comme arena, ça fait très pitié. Donc, c'est refusé, ça a fait de la bisbille entre les deux. Je continue à citer l'article. Je me sens apprécié avec les gens de la télé-réalité Montréal-Québec, ce qui est loin d'être le cas à l'université. Quand une belle occasion s'offre à un joueur, il n'hésite pas à se lancer dans l'aventure. Pourquoi ne pourrait-il pas en être de même pour un coach? Chose certaine, si je suis choisi pour un poste d'adjoint de Guy Carbonneau, ma situation à Trois-Rivières pèsera très lourd dans la balance quand viendra le temps de décider si je reste à la barre des Patriotes ou si je pars. c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Ça serait une lourde perte. Ça serait une lourde perte. Ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Ça fait 11 ans que Jacques Laporte est là, si je ne me trompe pas. Toujours des équipes puissantes. Écoute, combien de championnats nationaux? 2, 3, plusieurs apparitions en plus au championnat canadien. Par contre, ça fait 11 ans que tu es à la même place. Tu vois Martin Raymond, qui fait 14 ans qu'il est à la même place à McGill, qui vient d'avoir une belle promotion avec les Bulldogs d'Hamilton. Tu sais, tu te dis, j'imagine qu'il se dit peut-être pourquoi pas moi, ce qui est valable comme réflexion. Tout à fait. Mais dans le fond, il laisserait comme son poste d'entraîneur-chef des Patriotes pour aller travailler sur la télé. Après, la télé-réalité, c'est qu'est-ce qui se passe pour lui? Ça dépend de la télé-réalité et quand. Tu sais, si la télé-réalité est en janvier, ce qui doit dans ce coin-là. Ça tourne avant un peu, puis après ça. Ben, il faut qu'il tourne pendant. J'imagine qu'il doit avoir des votes puis des niaiseries de même dans cette affaire-là. Ben là, c'est une télé-réalité. Ben, d'après moi, je sais pas s'il y a des votes. Là. D'après moi, ça va être peut-être plus des matchs entre les deux. Ouais, mais tu fais pas juste des matchs, il faut qu'il y ait un enjeu. Ben, Je veux dire, il n'y a pas personne là qui va décrocher un contrat chez non, le pro. Non, non. Il y a des personnes de 50 ans qui jouent. Ok. Ben, c'est ça. Ils ont pris deux personnes de 50 ans. Il y a des filles aussi. Il y en a de 5 âges. Il y a des filles aussi. Il y a des filles aussi dans les équipes. Il y en a des bons. Il y en a des bons. Des bons joueurs. Oui, il y a des joueurs, donc très bons joueurs, mais gars, il n'y a pas personne là qui va décrocher un contrat pro. Là. Ben, aucune chance. Ça serait surprenant, puis ça serait très drôle. Peut-être avec le semi-pro, mais c'est tout. Là. Même pas. Ça serait un bon cheminement. Mais donc, c'est ça. Je sais qu'il y a un poste d'analyste, il y a un poste de coach aussi, de libre. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est ça, si la série est en janvier, ça dure un mois, deux mois, ça doit durer à peu près ça. Il s'en va au pire pendant ce temps-là, puis il revient après. Ben non, tu reviens quand la saison est finie, t'es rendu en série. Hein? C'est pas bon, là, tu fais pas ça à ton équipe. Je suis pas d'accord. Fait que, tant qu'à moi, si tu pars, tu pars. C'est un peu comme un entraîneur qui s'en va au championnat mondial, comme Guy Boucher l'an dernier. C'est pas pareil, parce que t'as un roulement de ça d'établi. C'est vraiment, tout le monde le fait, que ça soit dans les nationales, c'est tu vas représenter ton pays. Là, tu vas pas représenter ton pays, tu t'en vas à la télévision pour une vidéo, qui est une belle opportunité, ça, je remets aucunement ça en question. Ça va probablement y ouvrir d'autres portes. En tout cas, ça va faire une belle pub pour le lutteur, ça, pour le c'est programme sûr. De hockey. Ça, c'est sûr et certain que ça va faire une belle pub. Mais, tu peux pas revenir après ça comme coach. Après les déclarations comme ça, pas vraiment... Non. Donc, on va regarder ça, ce que ça va donner. Demain soir, mercredi soir, les Patriots sont en action contre l'équipe des moins de 20 ans de la Suède. Là, quand je dis équipe des moins de 20 ans, c'est l'équipe qui va être au championnat mondial à Noël, là, qui va affronter Team Canada, tout ça. Là. Combien de choix de première ronde de la Ligue nationale il y a dans cette équipe-là? Dans les deux dernières années, 9 choix de première ronde. Je peux les nommer rapidement. Vas-y. Là. Ekman Larson, 6e choix au total l'année passée par les Coyotes. Tim Erickson était repêché par les Flames en première ronde. Mathias Tedenby, Jacob Markstrom, Anton Gustafsson par les Capitals. Jacob Josephson, Marcus Parjavi Svensson, David Runblad, puis Marcus Johansson, choix de première ronde aussi des Capitals. C'est de très gros noms. C'est de très gros noms. C'est un match, là. Ça va faire. C'est Breton qui disait qu'il avait peur. Écoute, j'ai parlé. Je nommerai pas de nom. Non, mais nerd fait, là. Non, j'ai parlé à plusieurs joueurs. Écoute, je pense pas le thème, écoute, quand ils voient la partie arriver, c'est pas de la peur, mais du cibole. L'Halloween. L'Halloween, écoute, si tu te demandes quel monstre... Oh, non, mais c'est intimidant, comme qu'on dit. Intimidant, écoute, c'est un club qui est mille fois meilleur que les Patriots. Oui, c'est sûr que ça se compare pas. Là. On va le voir à soir, je pense que c'est contre Carlton, quelque chose comme ça. Ouais, puis après ça... Il affronte Carlton à soir, il affronte Lucuteur demain, puis il affronte Concordia jeudi. On va regarder l'opposition contre Carlton, ça va peut-être les rassurer après. Là. Ou pas. Ouais, ça va peut-être être pire aussi, là. Écoute, c'est... Écoute, moi, je vais pour une prédiction. dégelée. Écoute... Non, mais c'est juste pour le fait... Faut pas voir ça comme un... n'importe qui aurait comme une crainte d'affronter la Suède quand ils au calibre qu'on universitaire. La Suède, ils sont très forts au championnat. C'est ça, fini, l'année passée, on s'est rendu en finale. Ouais. Tu sais, c'est pas n'importe qui. Là. On joue pas contre le Japon, la Chine, la Biélorussie. On joue contre la Suède. Donc, écoutez, ça va être très intéressant. C'est au Colisée de Trois-Rivières. C'est la seule partie probablement que les Patriotes vont disputer au Colisée de Trois-Rivières demain. C'est sûr qu'on va être là, nous, de l'inconduite de partie. En espérant qu'il y ait beaucoup de monde aussi, puis que le monde participe, parce que ça serait plate qu'il y ait presque personne dans l'aréna. Bon, ben ça, ça serait pas étonnant. Là. Je veux dire, s'il y a 900 personnes au Coron et Gay. Non, on devrait être proche du 1000 facilement. On va voir ça, ça va être intéressant. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de publicité sur le match? Non, je te dirais que ça a été... Un petit port à l'intérieur de l'université un peu. J'en avais un petit peu, j'en avais un peu dans le nouvelliste, mais rien de plus. C'est un vrai fan de hockey à Trois-Rivières devrait être au courant qu'il y a un bon match comme ça puis devrait aller le voir. Il va avoir impliquant des joueurs dans l'intérieur. C'est ça, là. Parce que là, t'as une couple de gars. Le seul premier choix de l'an passé, seul choix de première ronde de l'an passé qui est pas au match demain, c'est Victor Hedman. Oui. Ouch. Imagine s'il était là. T'sais, t'as le gars qui joue avec le Lightning de Tampa Bay. Là, c'est... En tout cas, écoutez, c'est une belle expérience. Je pense qu'on va le voir comme ça, mais soyez pas étonnés si c'est une dégelée. On va regarder ce qu'ils vont faire contre Carlton ce soir, puis on va en savoir un petit peu plus. Donc, c'est ce qui conclut les Patriotes pour cette semaine. On va aller en musique. On va aller écouter les Fatal Picard avec la chanson « C'est l'histoire d'une meuf ». Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est quand même pas normal que cette année... Tu ne sois jamais passé à la méthode Coé. Entre ton album en hommage à Barbe Livien et ta reprise d'antisocial avec Muriel Robin. Cette année, ça va pas se passer comme ça. D'abord t'as un micro rien que pour toi. Tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmarella. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te cadre bien. T'espères au moins que sur le refrain qui vient, Mimi Mati par la main. Cette année, c'est l'année de ta vie. T'as kidnappé Cabrel, Obispo et Fiori. Avec la moustache, le crâne rasé, l'accent corse. Même Goldman saura enfin qui est le boss. Oui, depuis aujourd'hui, c'est ton année à toi. T'as injecté à Zenati une seringue d'Ebola. T'as offert de l'anthrax à Hélène Segarra. Et s'il faut aller jusque là, tu partageras la loge d'Elsa. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on t'aime bien. T'espères au moins que sur le refrain, et les garous par la main. Toi tu files un vrai rancard à ceux qui comme toi ne sont plus rien. Sans actualité, sans médias, sans public, sans rien. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te paye bien. T'espères au moins que sur le refrain, c'est toi qui tiens Coluche par la main. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduite de partie. C'était les Fatal Picard avec C'est l'histoire d'une meuf. Vous écoutez l'inconduite de partie, 10h26, notre site web, www.inconduitedepartie.com. On y va avec le hockey junior. Pierre-Luc, t'as du contenu, en veux-tu, on va là. En masse, en masse. Donc, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières... On débute ça déjà avec les cataractes de Shawinigan. Très grosse semaine, je te dirais. Donc, ça fait quand même 2 semaines qu'on n'était pas là. On va parler un peu des résultats qu'on a eu pendant ces 2 semaines-là. Donc, ça a quand même bien été du côté des Cataractes. On a quand même conservé une bonne fiche. On a remonté, je te dirais, maintenant, on joue en haut de la barre de 500. Donc, en 7 matchs, les Cataractes qui sont allés chercher 4 victoires, 2 défaites et 1 défaite en prolongation. Donc, ça a très, très bien été, je te dirais, pour les Cats. Donc, c'est 9 points en 7 matchs qu'on est allé chercher. Tout d'abord, on a battu les Huskies 3-2 à Rouyn-Noranda. Victoire ensuite à Shawinigan contre les Maniacs de 6-3. On a battu les Voltigeurs de Drummondville 7-3 la semaine dernière. Ouais, c'était un peu inattendu, ça. C'était un peu inattendu, mais on avait un match aller-retour. Et le lendemain, les Voltigeurs qui prenaient leur revanche, qui l'ont emporté 6-3. Et les matchs aussi de la semaine, donc on va aller tranquillement, je vous dirais, avec les matchs de cette semaine. Tout d'abord, les Cataractes qui recevaient la visite des Huskies de Rouyn-Noranda, qui sont quand même une équipe qui va très très bien dans les temps qui courent, les Huskies. Et victoire des Huskies, justement, par la marque de 4-1. Ça s'est passé jeudi de cette semaine. Le marqueur pour les Cataractes, Antoine Houde-Caron, un but en désavantage numérique. La vedette du match a été le gardien de but des Huskies, Michael Audette, qui a enregistré 25 arrêts dans la victoire. Ensuite de ça, Charles-Olivier Roussel aussi qui a livré une très très bonne performance du côté des Cataractes. Gabriel Girard qui subissait sa 9e défaite de la saison. A connu un match coup-ci, coup-ça, je vous dirais. Là, c'est 17 arrêts sur 21 tirs. Donc, ça n'a pas été un gros match pour Girard. Le lendemain, on s'en allait du côté de Gatineau. Les Cataractes qui ont rebondi, victoire de 5-3. Première période, tout d'abord, les Cats ont pris l'avance 2-0. Ensuite, les Olympiques ont répliqué. Et finalement, en troisième période, c'était 3-3 entre les deux équipes. Et finalement, les Cataractes qui ont rebondi, donc avec 2 buts en fin de période pour l'emporter par la marque de 5-3. Les marqueurs du côté des Cataractes, Dave Labrec, 1 but. Maxime Legault, 2 buts, dont 1 en filet désert à la fin du match. Et Nicolas Larocque-Marcoux, 2 buts lui aussi. Donc, ça a bien été du côté des Cataractes. 34-28 pour Gatineau, par contre, dans les tirs. Donc, très bon match du deuxième gardien, François Lacerte. Ben, c'est lui qui était devant les buts. Pas de mauvaise saison, lui, à date. Non, pour l'instant, il y a eu 6 départs et 5 victoires, 1 défaite. Donc, c'est excellent pour le deuxième gardien. Quand on regarde la fiche de Gabriel Girard, le gardien partant, qui a une fiche de 4 victoires, 10 défaites. Donc, ça paraît. Là. Le retour de Legault aussi. C'est sûr que Lacerte aussi, probablement que l'entraîneur le met dans des matchs contre les équipes un petit peu moins bonnes. Mais écoute, il y a les victoires qu'il faut, puis c'est ça que ça prend. Parle-nous donc du retour de Legault, qui est Maxime bien revenu. Legault, oui. Ça va plus ou moins. Ben, ça va bien. 2 buts dans ce match-là. Mais on a mis capitaine aussi. Oui, capitaine. Donc, ça a toujours été reconnu comme un leader. Ouais, ben je te dirais que Maxime Legault, ça paraît. Là, ouais. Son retour, là, je peux dire que. C'est un gars qui joue des grosses épaules. Là, qui ouais, était ouais. Très... Ben, l'année passée, on l'a vu. Hein, ouais, Legault, ouais. Il était un joueur qui était très dominant. Puis cette année encore, là, ça le sera. Je pense que le temps de partir la machine comme il faut, puis ça va être encore mieux. C'est bon. Donc, ensuite de ça, donc les Cataractes avaient un dernier match aussi en fin de semaine contre les Tigres. Mais tout d'abord, on va parler des matchs des Tigres pendant la semaine de relâche. Donc, les Tigres, ça a très, très bien été. En 6 matchs, on est allé chercher 5 victoires, donc 10 points. Victoire tout d'abord contre les Maniacs 7-0. 8-1, ça a été des gros matchs. Hein. Offensif, je vous dirais que les Tigres, ils vont de l'offensive pas mal, pas mal. On regarde ça rapidement. Là. 7-0 contre les Houston, 8-1 contre Bécomo, 8-5 contre Rouyn-Noranda. Et ensuite de ça, les matchs de la semaine. Donc, tout d'abord... Contre Rouyn-Noranda, à Rouyn-Noranda, c'est 8-5 pour Victoriaville. Les joueurs à retenir, Brendan Hines, 3 buts. Andrew Nestracil, 1 but, 3 passes. Yannick Dubé, 2 buts. Donc, ça a été un gros match offensif. Les gardiens dans les deux côtés, là, Antonio Mastropietro qui a été remplacé par Kevin Poulin après 4e but. Et même chose du côté des Huskies, Michael Audette qui a été remplacé par Jesse Lecour après le quatrième but. Donc, victoire des Tigres 8-5. Tout ça devant 1576 spectateurs réunis à l'aréna des Kion de Rouyn-Noranda. Question pour toi, Brendan Hines, est-ce qu'on s'attendait à une aussi bonne saison de sa part? Ben oui. L'an dernier, déjà, c'était une recrue qu'on s'attendait beaucoup de lui. Puis déjà, cette année, là... Là, il est disponible au repêchage cette année. Je pense que oui. T'es en train de faire un bon petit nom pour lui-même. Ça devrait être, Sais-tu, il est classé combien? Ou... Non, je suis pas au courant de ça. C'est bon, normalement, trois premières rondes. Ça devrait être un bon choix. Donc, ensuite de ça, on se rendait toujours dans le voyage de l'Abitibi à Val-d'Or. C'était le lendemain. Donc, victoire des Foreurs 5-4 sur les Tigres. Ça a été un gros match, je vous dirais. Là, les Tigres qui ont quand même qui perdaient 5-2 là, en troisième période, qui ont réussi à marquer deux buts pour réduire l'écart à un but, mais finalement n'ont pas été capables d'aller chercher ce but. Donc, du côté des Tigres, les marqueurs Yannick Dubé, Jonathan Bonneau, Philippe Dano et Thomas Kubalik. Donc, ça a été un gros match, je vous dirais. Là, ça a été 33-31 dans les tirs, donc ça a été très serré. Le match s'est joué en avantage numérique. Donc, les Tigres 0 en 7, les Foreurs 3 en 7. Donc, si je te dis que les Tigres en auraient marqué 1 ou 2, la partie aurait été différente. Une note aussi au match, Simon Lacroix des Foreurs, qui a enregistré un but, 3 passes. Ça a été sa meilleure performance à vie dans la LHJMQ. Donc, ça va être un match à retenir pour Simon Lacroix, un ancien des Remparts d'ailleurs. Tu peux-tu me répondre, es-tu capitaine ou assistant à Val-d'Or? Capitaine, hein, ouais, je pense. Capitaine. Donc, en partant, le Val-d'Or c'est pas le leader. Val-d'Or n'avait pas une très bonne équipe l'an passé, donc leur 20 ans devait être moyen un peu. Lacroix est rendu là par rapport à l'échange. Sais-tu, fin de saison. Fin de saison, probablement un. Mason Hour, lui, était à Rouyn-Noranda, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, petit pas par rapport à ça. Ok, c'est compensation. C'est Simon Lacroix, je pense. Je sais pas si c'était une compensation ou c'était. C'était contre des considérations futures, mais ça me semble. Ok, c'est bon. Ok, Il y a 21 ans, 20 ans? 20 ans, c'était 20 ans. 21 ans, ça se peut pas dans... Ouais, 20 ans. Ouais, ça. Non, mais il allait avoir 21. Ouais, ouais. Donc, victoire des Foreurs 5-4. Et dans le dernier match, encore une fois, contre une équipe de l'Abitibi, encore une fois contre les Huskies, dégelé carrément, 11-2 pour les Tigres de Victoriaville. Dans la victoire, Thomas Kubalik, écoutez ça, un but, 7 passes, 8 points dans le match. Un joueur généreux. Aïe aïe. C'est le 49e joueur de l'histoire de la Ligue à réussir ça. Le dernier, c'était Jonathan Ferland en 2002-2003 avec 8 points. Sinon, ça tombe à 2000. Avec... C'était 10 points Marc-André Tinel. Mathieu Lombardi, Carl Mallette puis Mathieu Benoît. Tous les grands noms qui n'ont rien fait après. Qui n'ont rien fait après. C'est... Ben, Lombardi. Lombardi. Il joue encore à Phoenix. C'est ça, là. Mais Kubalik, je ne suis pas inquiet qu'il fasse le. Non, Kubalik, ça devrait. Normalement, là, mais les Ferland, Mallette, Tinel, les deux frères Tinel. Tinel, c'était bon ça dans l'ingénieur. Ouais, c'était bon. Beau choix du Canadien. Ça. Trop petit. Non, mais on voulait des Québécois. Oui. Éric Chouinard. À défaut de prendre les On bons. En veut non. encore des Éric Chouinard est américain. C'est américain avec des. Ouais, c'est bon. C'est comme ça son père. Francis Bouillon aussi. Donc c'est ça. Allez, on va passer une pause. T'es-tu correct? C'est beau? Il n'y a pas de problème. Oui, on va y aller avec ça. C'est bon. On va passer à une pause. En venant de la pause, on a un petit peu de musique et on continue hockey junior majeur jusqu'à la fin de l'émission. Je pense que t'as de l'air parti pour un petit bout de tout, Pierre-Luc. Là, de vous aller. C'est bon. Donc, vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Études. Job. Il me semble que je suis dû pour me changer les idées. Amène ta gang, amène tes amis et viens vivre l'excellence. Viens vivre l'expérience Patriote. Vendredi 6 novembre, les Patriotes hockey affrontent Queens à l'aréna Claude-Mongrain à 19h15. Samedi 7 novembre, les Patriotes sont les hôtes de la deuxième coupe universitaire de natation au CAPS de l'UQTR dès 13h. De plus, il n'y a rien à payer. L'admission est gratuite au parti des Patriotes pour les étudiants de l'UQTR. UQTR.ca/Patriotes. Elle est de retour et elle n'est pas contente avec son championnat de jam débile enregistré au Café Chaos. Ma tante Frank, come on! Plus fort que ça! Les championnats de jam débile de Maton de Frac, tous les samedis à 13h sur les ondes de C'est Fou 89.1 Les 13 et 14 novembre prochains à la bâtisse industrielle, Trois-Rivières Métal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, La Puce Rock et C'est Fou 89.1 présentent Trois-Rivières Metal Fest 9e édition. 14 groupes sur deux soirs mettant en vedette The Black Dahlia Murder, Beneath the Massacre, Covetous, Unexpected, Toxic Holocaust et Suffocation. Billets en vente chez Musique Daniel Côté, au Colimaçon et au TroisRivièresMetal.com au coût de 25$ pour un soir ou 40$ pour les deux soirs. Quantité limitée. CD compilation remis gratuitement à l'entrée, une gracieuseté de Galley Records. Les 13 et 14 novembre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le TroisRivièresMetal.com. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Vandal, vous écoutez Inconduite de partie sur C'est Fou. Go! Holland, New Jersey, Big Wig. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie. On continue dans l'hockey junior. Pierre-Luc, tu es en plein milieu des boutiques de Victoriaville. Ouais, donc, ben vas-y. Dans le fond, on va terminer avec le dernier match des Cataractes et des Tigres, puisque les deux équipes s'affrontaient dimanche au Colisée des Jardins de Victoriaville. J'avais gardé le meilleur pour la fin. Ouais, c'est sympa. Donc, au début. Donc, gros match, je vous dirais, ça a été un match très, très, très, très, très serré. Donc, tout d'abord, en première période, les Cataractes qui ont pris les devants sur un but de Maxime Legault, qu'on parlait tout à l'heure. Donc, 1-0 Cataractes. En deuxième période, les Tigres ont repris les devants, donc deux buts de suite, dont Thomas Kubalik et Travis McIsaac. Donc, c'était 2-1 pour les Tigres. Les Cataractes sont venus niveler la marque en fin de deuxième période sur un but de Pierrick Martel. Et finalement, le match s'est décidé en prolongation. Et c'est encore une fois Thomas Kubalik qui est allé d'un but pour la victoire des Tigres. Donc, bien sûr, il a été la première étoile du match, Thomas Kubalik. Deux buts dans la victoire. À noter aussi Gabriel Girard qui a très bien fait dans la défaite. 46 arrêts dans le match. Donc, Girard, malgré sa 10e défaite cette saison, a quand même très bien fait. Ouais, c'est ça qu'on dit aussi. Il affronte les équipes. Il affronte les grosses équipes. Puis il faut dire aussi que les Cataractes étaient sans les services de Michael Bournival qui est blessé et de Pierre-Alexandre Vandal qui était malade. Donc, d'aller chercher un point quand même à Victoriaville. Je pense qu'on est quand même content d'être allé chercher un point à Victoriaville. Surtout que les Tigres vont très bien dans les temps qui courent. Là, on en était là. Si on regardait tous les matchs offensifs qu'ils ont eu dans les dernières semaines, je pense qu'on est content. Puis encore une fois, on voit que les Tigres sont très offensifs. Là, 49 tirs dans le match. Là, c'est une bonne équipe offensive, là, ouais, d'ailleurs. Là. Beaucoup d'offensives, peut-être avec un moins bon gardien. Avec un bon gardien, ouais. La défense, on a vu mieux. Mais... ça promet du côté des Tigres, je vous dirais. Là, début de saison, coup-ci, coup-ça, mais on revient en force. Ça va dépendre aussi de ce qui va se passer à Noël, là, un peu. Là, ah oui, c'est sûr là. Que les échanges de Noël sont toujours très, très importants. Qui va avoir le haut la main. C'est en plein ça. Donc, c'est ce qui termine pour les Tigres et les Cataractes. On parle maintenant des Voltigeurs de Drummondville qui, eux aussi, connaissent du bon temps. Ben, je pense que depuis le début de la saison, on n'a pas vraiment connu de mauvais temps. Donc, Drummondville, pendant la semaine, qui ont eu 4 victoires, 1 défaite, donc 8 points en 5 matchs. Tout d'abord, victoire contre le Géant de Montréal 5-3. Défaite, on l'a dit plutôt contre les Cataractes 7-3. On a remporté le lendemain contre les Cataractes 6-3 et les deux matchs de la semaine. Tout d'abord, on était à Rimouski pour y affronter l'Océanique. Donc, c'était le premier match entre les deux équipes depuis la demi-finale l'an dernier. Ça a l'air de quoi un peu l'Océanique cette année? Ça avait mal commencé. Ça fait dur, ça, mais classé. Il manquait Cormier au début. Ouais. Cormier Caron aussi qui est encore blessé, Caron? Il est revenu? Caron, il est encore à Rimouski. Je t'en pose une. Oui, Jordan Caron. Il est encore là. Tu es-tu revenu ou je fais ma recherche? Il a été blessé. Continue. Ben, écoute, l'Océanique, je te dirais, en ce moment, j'ose pour 500. Donc, 8 victoires, 8 défaites, 3 défaites en prolongation. Mais je pense qu'on s'attendait à ce qu'ils se battent pour une place en série. Finalement, c'est quand même pas si pire ce qui se passe avec eux. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, c'est ça. Mais écoute, comme on a dit, Noël n'est pas encore arrivé. Hein, fait que, mais qu'on liquide ce qu'on a avec Caron, Cormier. Seulement 5 matchs. Peut-être que là, ça va redescendre. Caron, seulement 5 matchs. 5 matchs cette année, 2 points. Donc, il s'en met s'il espère participer au championnat du monde avec Team Canada. Mm-hmm. Lui qui était là l'an dernier. Là, ouais, donc, il n'était pas là l'an dernier. Jordan Caron? Non. Il était au camp. OK, non. Il a peut-être été coupé du camp. Moi. Ouais, OK, non, c'est mon... Ouais. OK, il était juste au camp, c'est mon erreur. C'était peut-être bien là avec Cormier, justement. Là, peut-être, ça se pourrait, ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça va quand même pas si pire, mais bon, c'est ça. C'est ça. Donc, on se rend à Rimouski avec 3386 spectateurs, Nico, à Rimouski. Même si on n'a pas une très, très bonne équipe, ça va bien, là, du côté des foules. Ben, il n'y a rien d'autre à faire, Rimouski. Ils n'ont rien d'autre à faire. C'est ça le problème. Donc, les Voltigeurs l'ont emporté 5-2 sur l'Océanique. Début de Jonathan Brunel, le premier but. Gabriel Dumont, le deuxième et troisième but. Mathieu Milsé, le quatrième. Et Philippe Lefebvre, qui a compté le cinquième but. 28-16 pour Drummondville dans les tirs. Donc, ça a été... Je vous dirais que ça a pas... Frédéric Pichet, le gardien des Voltigeurs, n'a pas été trop occupé. Lui qui a connu sa quatrième victoire de la saison. Une fiche parfaite jusqu'à maintenant pour Frédéric Pichet, le deuxième gardien des Voltigeurs. Gabriel Dumont a été la vedette du match avec deux buts. Sean Couturier, lui aussi, a deux passes. Oui, vas-y, Nicolas. Oui, Pichet, c'est ses gardiens qui n'avaient pas encore gagné une partie dans la Ligue du Junior Major après 21-22 matchs. Ouais, je suis content pour lui. Ça va bien, là. Je suis vraiment content pour lui. Il s'en est remis, là. Une grosse léthargie, là. Donc, le lendemain, justement, les Voltigeurs qui affronteraient l'ancienne équipe à Frédéric Pichet. C'était pas lui qui était devant les buts, malheureusement, c'était Antoine Tardif. Mais quand même, une autre dégelée des Voltigeurs, victoire 10-3 pour les Voltigeurs. Donc, aïe aïe, encore une fois, ouais. C'est là que tu vois que les matchs juniors, des fois, c'est l'enfer, comment ça peut... C'est pas long que ça peut exploser. Non, c'est, là, ouais. C'est plus rare que tu vois ça dans la Ligue nationale d'hockey, des matchs qui se finissent 10-3 ou des trucs comme ça. Ben, le jeu défensif est pas mal plus serré dans la Ligue nationale aussi. Ouais, là, aussi. C'est même pas comparable. Non, donc Alexandre Comtois, un but, trois passes dans la victoire. Sean Couturier, trois buts encore une fois. Contre Rimouski, on avait eu deux passes, là on a trois buts. Donc ça va bien, Sean Couturier là, qui excelle en ce moment du côté des Voltigeurs. André Pala, deux buts, une passe dans le match. Desnoyers, Marc-Antoine Desnoyers, Ryan McKernan, Hutt et Jonathan Brunel et Benjamin Larrabie ont chacun deux points dans la victoire. Si on regarde du côté des tirs, 56-26 pour les Voltigeurs. Ah, donc c'est un tir par minute. C'est quasiment ça. Nicolas Champion, qui est un excellent gardien, a été remplacé après le cinquième but des Voltigeurs. Il a été remplacé par Guillaume Nadeau. Donc, c'est ce qui conclut pour les matchs de la dernière semaine. Si on regarde un peu les nouvelles là, par rapport aux nouvelles, Étienne Saint-Germain des Cataractes de Shawinigan, ouais, suspendu 5 matchs pour une mise en échec dangereuse. Donc, on devra se débrouiller sans lui là, pour la fin de semaine. Parlant de mise en échec, vas-y, je te laisse continuer. Je veux y toucher tantôt. Parlant de mise en échec dangereuse, avez-vous vu ce qui s'est passé dans la Ligue de l'Ontario? Oui, le joueur qui était. C'est Fanelli, si je ne me trompe pas. Je sais pas si t'as vu, Pierre-Luc, un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pas vu, non. Un match entre les Otters de Herrier et les Rangers de Kitchener. Le joueur, écoute, le joueur, c'est Fanelli, là, je veux pas le dénommer, là, mais Fanelli. Ouais, c'est Fanelli. Fanelli, OK. Qui se fait... Il est derrière le but, bon, la rondelle, c'est un 16 ans, jeune joueur. La rondelle arrive vers lui, il se revire au dernier moment avec un joueur qui s'en vient clairement faire une mise en échec. Lambias, si je me trompe pas, Mike Lambias. Mm-hmm. Il se revire au dernier moment. Bon, la mise en échec de Lambias est dans le dos. Veux pas, mais c'est parce que tu te mets en situation dangereuse de même en tant que joueur, là. C'est parce que tu cours après le trouble, puis il se revire. Écoute, il se revient vraiment à la dernière seconde. C'était impossible pour Lambius d'arrêter. Impossible. Le joueur est dans traumatisme crânien. C'est le fait qu'il a perdu son casque aussi. Oui, ouais, ça. Le casque a glissé. Bon, ça, il est tombé. Je ne sais pas s'il est tombé sur la tête, par contre, après, sur la glace. Fracture du crâne. Traumatisme crânien. Écoute, il était en convulsion sur la glace. Lambius, en grosse larme au banc. Il capotait là, il dit voyons, tu veux pas, ça va être du hockey, tu veux jamais voir un de tes adversaires dans cette situation là. Donc mise en échec dangereuse, je sais pas s'il y a une suspension à date encore. J'ai rien vu, mais écoute, peut-être la mise en échec pleuré, ça a été ressenti, mais tu sais, c'est en tout cas c'est... ok, les jeunes à l'écoute, les enfants, ok, ouais, mais ça... parental advisory, okay. je le sais, ok, au Québec on apprend très tard à donner des mises en échec et à recevoir des mises en échec. S'il vous plaît, lorsque vous voyez, vous êtes dans un coin et vous voyez un joueur qui se dirige vers vous, ne tournez pas la tête, faites-lui face. Encaissez la mise en échec, ça va faire mal, mais les risques sont tellement moins dangereux parce que t'as bien beau mettre un petit logo stop en arrière du cou des joueurs, là, ça marche plus ou moins. Là. Écoute, ça arrête peut-être quelques affaires, mais pour la plupart du temps... là, c'est de prendre, donc faites attention les jeunes en onde, on tient à vous. Wow. Et oui, donc conseil du jour par Nicolas. Oui. On poursuit maintenant avec les joueurs de la semaine. Et demain, je vous apprends comment faire un excellent couscous avec. C'est pas ton macaroni qui est bon. Là. Mon macaroni est excellent. Donc les joueurs de la semaine, Thomas Kubalik, côté offensif, sans surprise. Donc ça, 4 buts, 7 passes, 11 points en 4 matchs. Donc c'est excellent pour le jeune Kubalik. Du côté défensif, c'est le gardien des Remparts, Peter Delmas, qui a connu un début de saison plutôt tranquille. Maintenant, a eu 2 victoires dans ses 2 départs avec une moyenne de 1,97. On fait un petit coup d'œil au classement, Nico. Vas-y. Pour voir nos équipes où se situent-elles. Donc, tout d'abord, au premier rang, les Sea Dogs de Saint-Jean qui vont très bien dans les temps qui courent. 8 victoires d'affilée pour cette équipe, ce qui les positionne au premier rang avec 33 points. Deuxième rang, les Voltigeurs, par contre, qui ont 3 matchs en main. Ouais, c'est ça. Donc, on est 2 points en dessous, mais 3 matchs en moins. Donc, Voltigeurs avec une fiche de 15 victoires, 2 défaites, 1 défaite en fusillade. Donc, avec 31 points. Juste au niveau des victoires, qui Saint-Jean a comment par rapport à... 16 victoires. 16 victoires, donc, 16 victoires en 21 matchs. Drummond, 15 victoires en 18 matchs. Donc, avec les 3 matchs, peut-être que les Voltigeurs réussiraient là, à dépasser les Sea Dogs, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Du côté des Remparts, les Remparts sont 3e, avec eux aussi à 31 points, eux avec 20 matchs. Donc, top 3 des équipes, là, Saint-Jean, Drummondville, Québec, sont vraiment en haut de la coche, je vous dirais en ce moment, là, des autres équipes. Gatineau 4e, Moncton 5e, Cap-Breton 6e et maintenant on passe à Victoriaville, les Tigres 7e avec 12 victoires, 7 défaites, 1 défaite en fusillade. Donc c'est un total de 25 points en 20 matchs. Donc c'est excellent. Et les Cataractes, eux, se hissent au 10e rang avec 9 victoires, 8 défaites, 1 défaite en prolongation et 2 défaites en fusillade. Donc 21 points en 20 matchs. Ça se replace un peu du côté des Cataractes. Comparativement à ce qu'on avait vu là, en début de saison, là, ça allait plus ou moins bien. On se replace. Pour le classement, Jonathan Hazen est toujours au premier rang avec 32 points. Gabriel Lévesque... Et deuxième, lui, un joueur des Huskies de Rouyn-Noranda, 8 buts, 24 passes, 32 points. Philippe Cornette, 28 points, le joueur des Huskies de Rouyn-Noranda. Maxime Sauvé, 4e des Foreurs. Donc, les 4 premiers marqueurs sont des joueurs de l'Abitibi, des Foreurs et des Huskies. Luc Adam, l'ancien du Junior de Montréal, 5e avec 27 points. Et on retrouve au 6e rang le joueur des Voltigeurs de Drummondville, Marc-Olivier Vachon. C'est lui qui possède le plus de buts depuis le début de la saison avec 15 buts, 11 passes. On parle maintenant un peu du calendrier. Vas-y, vas-y. Donc, cette semaine, les matchs à retenir. Donc, tout d'abord, les Maniacs sont à Shawinigan jeudi, c'est à 19h. Ensuite, vendredi, on reçoit la visite de l'Océanique à 19h30. Et les Cataractes se transportent du côté du centre Georges Vézina à Chicoutimi samedi. Donc, 3 matchs en 3 soirs pour nos Cataractes. Du côté des Tigres, gros match mercredi soir, donc demain soir à Drummondville. Donc, les Tigres contre Drummondville mercredi soir à 19h30. Ensuite, les Tigres sont à Québec vendredi pour affronter les Remparts et à Baie-Comeau dimanche. Et les Voltigeurs, quant à eux, sont à Baie-Comeau vendredi et à Chicoutimi dimanche. Donc, c'est ce qui conclut les nouvelles de la LHGMQ. En te remerciant beaucoup, Pierre-Luc, on va continuer sur le calendrier comme tu avais commencé. Allons-y. Patriotes, c'est beaucoup de hockey. Donc, on l'a dit, la Suède, l'équipe nationale junior, demain soir, 19h15, c'est au Colisée de Trois-Rivières. Allez-y, c'est un calibre de jeu extrêmement élevé. Et samedi à l'Arena, vendredi à l'Arena ici, Claude Mongrain, c'est un match de saison régulière. Les Patriots reçoivent Queens, les Golden Gills. C'est à 19h15 ici. Et en fin de semaine, ici même à l'UQTR, c'est la Coupe universitaire. Les Patriots, c'est à 13h de natation. Donc, ça a l'air que l'ambiance en natation, c'est assez. T'as déjà vu ça? Oui. Ça a l'air que c'est impressionnant. J'imagine des cloches et tout ça. Des cloches à vache, ouais. Des crécelles. Des crécelles. Ah, ça doit être vraiment. C'est quasiment plus intéressant qu'un match de hockey aux Patriots. Ouais. Donc, football, bon, on l'a dit, c'est les séries qui commencent dans la SIC. Bishop, Montréal, c'est samedi à 12h30 au Sepsum. Et la demi-finale, Concordia, Laval, en direct du PEPS, C'est à Radio-Canada. Si vous êtes seulement Internet, vous pouvez l'écouter sur le site Internet de Radio-Canada. C'est à 12:30. Donc, c'est à ne pas manquer. Et on vous remercie beaucoup d'avoir été là cette semaine. C'est ce qui conclut l'émission pour Pierre-Luc Giroux, Sébastien Proulx, JP Grenier qui était là ce soir. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à vous tout le monde. Prenez du bon temps, profitez de la belle température. On se laisse en musique avec le groupe Zébric, je vais l'avoir, avec la chanson Alexia. Merci tout le monde, bonne semaine. Alicia, petite femme aux grands yeux noirs, pour qui la vie se gagne le soir, qui la nature a tout donné, qui s'en sert pour danser.